sera toujours bien présente demain samedi, excepté le long des côtes atlantiques et de la Manche. Ça ira un peu mieux dimanche, même si on aura encore de la pluie en Île-de-France et sur une large moitié est. Les températures ce matin, comprises entre 10 et 19 degrés, 15 à Paris, il fera de 17 à 25 cet après-midi. Et puis la pollution, c'est plutôt bon. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Lille, Nîmes et Cannes. Les condamnations qui sont tombées cette nuit dans l'affaire de la bagarre de Cisco. Les 5 prévenus écopent de 6 mois avec sursis à 2 ans de prison ferme. La bagarre taille XXL a opposé en août dernier des Corses originaires de la commune. À l'origine d'ailleurs, une famille d'origine marocaine qui aurait tenté de s'approprier un bout de plage. S'en sont suivis des insultes, des jets de cailloux, des coups aussi. Le camp des villageois était composé d'une centaine de personnes. Les manifestations anti-loi travail émaillées d'incidents hier d'ailleurs ont éclaté à Paris, Nantes, Rennes, Rouen, Grenoble, Toulouse et Montpellier. 15 policiers et gendarmes ont été blessés, dont 2 grièvement. 62 personnes ont été interpellées, 32 placées en garde à vue. Au final, cette 14e mobilisation, certainement la dernière, a été plutôt bien suivie. 78 000 manifestants ont défilé un peu partout selon les autorités, alors que les syndicats en annoncent 100 000 de plus. Le grand oral de Nicolas Sarkozy hier soir dans la nouvelle émission politique de France 2. Le candidat à la primaire de la droite et du centre s'est exprimé sur tous les sujets ou presque concernant les fichiers S. Il propose que les plus dangereux soient placés en rétention administrative au nom du principe de précaution. Sur la retraite, il a répété qu'il fallait travailler plus longtemps, que la pénibilité d'un métier soit reconnue par un médecin et non pas par l'administration. Enfin, ce qui concerne l'économie, l'ancien locataire de l'Élysée promet des baisses d'impôts sur le revenu et la suppression de 300 000 postes de fonctionnaires. Terminé également l'avantage des fonctionnaires à la retraite qui serait aligné sur le mode de calcul des salariés du privé. L'ex-président souhaite également que les allocations des chômeurs soient dégressives, moins 20% au bout d'un an, moins 20% supplémentaires au bout de 18 mois. La crise migratoire au centre des discussions d'un sommet européen. Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui à Bratislava en Slovaquie. L'Italie et la Grèce demandent plus de coopération de leurs partenaires et les pays de l'Europe centrale rechignent à accueillir les migrants. Il sera aussi question de reconstruction de l'Union après le Brexit. La Ligue Europa avec une soirée en demi-teinte pour les clubs français. Nice s'est bien réveillé mais trop tard hier contre Schalke 04. Défaite des Aiglons 1-0. Saint-Étienne concède le nul contre Mayence. Un but partout et puis l'ouverture ce soir de la 5e journée de Ligue 1. Quand reçoit Paris à 20h45, ce sera sans Hatem Ben Arfa encore une fois. Unai Emery qui lui demande plus d'efforts en match et à l'entraînement confirme son caractère inflexible, même face aux stars de l'effectif. Kurzawa et Aurier légèrement blessés sont eux aussi absents. Ben on suivra ça ce soir dès 21h sur Skyrock. Merci Rémi. A tout à l'heure. On te retrouve à 6h30, les piles 6h du matin sur Skyrock, yeah. Skyrock, ok, merci. Et c'est parti pour le morning en direct. Hi, this is Rihanna. Maître Gims. Hey, it's Beyoncé with my friend D-Fool. Wesh l'équipe, c'est Jules. Hey, this is Justin Timberlake. Bienvenue dans le morning de D-Fool. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Et bon dernier réveil de la semaine. On est vendredi aujourd'hui, on est le 16 septembre et on vous salue. Content de vous retrouver. Bonjour l'équipe. Hello. Hello. Salut. Hello. Oh, du boulot. Là, on y va, le boulot. C'est parti, on se réveille et on vous offre ce matin pour cette grande journée la PS4, la nouvelle PS4 qui n'est pas en fait la nouvelle PS4, je vous explique. Oui, c'est la PS4 redesignée, PS4 Slim. C'est ça. Elle est slim, elle a fait un régime, elle est toute fine, c'est pas la toute nouvelle parce que la grosse PS4 elle sortira en novembre. Oui, ce sera la PS4 Pro. Ouais, c'est ça, c'est la Pro, elle sortira le 10 novembre. Mais aujourd'hui, pour fêter la nouvelle PlayStation Slim et sa nouvelle ligne. Et sa nouvelle ligne design. Toute belle, eh bien on vous l'offre tout au long de la matinée. Vous avez bien fait de vous réveiller avec nous. Il y en aura plein à choper. Vous nous laissez vos messages au 41-759 et sur l'appli Skyrock toute la matinée. Et à 6h20, 7h20, 8h20, vous choperez votre PS4 Slim, la nouvelle. Plus le jeu qui va sortir dans 15 jours, c'est FIFA. FIFA 17. Le nouveau, Rémi nous en parlait cette semaine, il déchire. Plus NBA 2K17. Basket. Tout ça à choper dans le morning. Donc à 6h20 pour le premier rendez-vous, tenez-vous prêts, ce sera un invité mystère qu'on retrouvera tout à l'heure. Sinon, des invités qui ne sont pas mystères, un invité qui n'est pas mystère, c'est Cartman. Bonjour, j'adore la voix qu'il a, moi. Comment ça va? Tu es qui? Eric Cartman. Ah oui. Eric Cartman. Il est dans un jeu vidéo, lui aussi, hein, dans l'anal du destin. Ouais. L'anal. L'anal, sérieux? C'est ça, South Park, l'anal du destin. Ouais, à mon avis, ça doit être chaud. Pour ceux qui connaissent South Park, c'est pas le héros le plus soft. Bon, c'est ça, on peut le dire. C'est un peu trash, le plus poli, quoi. Exactement. Tu te fous de ma gueule ? Oui, Cartman, on te fout pas de ta gueule. Dans un instant, on va te mettre en contact avec une famille. Comment on va réagir la famille en contact avec Cartman, c'est-à-dire avec un cartoon, un dessin animé. Vous allez voir, c'est pas mal, c'est à suivre. Et même un héros de jeux vidéo. C'est à suivre, c'est dans 5 minutes, là, à 6h10. Là, il est 6h03. On se prépare aussi à gagner 1 500 €. Il y a encore eu plein de gagnants cette semaine. Et c'est pas fini, hein, puisqu'on va vous offrir des sous aujourd'hui aussi. À 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30. Toutes les demi-heures, 1 500 € à gagner. On salue Nadège de Romorantin, qui a bien suivi les conseils de sa fille Clémence. Elle a bien répondu Skyrock. C'est bien Nadège. Ouais. Et puis bravo à Luc de Châtillon, qui lui va se payer un nouvel appart avec. Enfin, un nouvel appart. Ça une partie de nouvel appart. Oui, c'est vrai que avec, 500 €. Il va aménager son truc et tout. Avec les 1 500 €, il a gagné hier matin. Écoutez bien. C'était Luc à Châtillon dans le 9-2. Bon, tu sais qui est au téléphone, Luc? Oui, je crois que c'est qui là. Je vais te donner un indice, on est en direct à la radio, Luc. Oui. Et on a 1 500 € à t'offrir. Ouais. Je te sens bien, Luc, toi, ce matin. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, je te sens bien. On va te poser une question, on va te demander quelle est ta radio préférée, Luc? C'est Skyrock. Et c'est gagné. Bravo. Et voilà. Aïe, Luc, 1 500 € à gagner. Prochain rendez-vous tout à l'heure à 6h30. Il est 6h04, bonne journée, bon vendredi. Spécial PS4 Slim ce matin. La première à gagner dans un quart d'heure est le son de DJ Snake. Let me love you. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. C'était Justin Bieber sur le son de DJ Snake sur Skyrock à 6h07. Dernière matinale de la semaine, dernier morning qui va exploser dans tous les sens. Ça va être la folie, le feu d'artifice. Le feu d'artifice avec déjà une question que nous a posée Cariole hors antenne. Je vous ai dit qu'on allait faire South Park aujourd'hui dans le réveil de Star. Ouais. South Park et on va faire Cartman qui est avec nous, il se prépare. Bonjour. Bonjour, tu as une très très belle voix, Cartman. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Moi j'attends avec impatience de voir comment vont réagir les familles avec Cartman. Et Cariole nous a posé une question très intelligente. Elle nous a demandé, mais pourquoi vous avez pas pris Kenny? Bah Kenny parce que Kenny parle pas. Oui, ça aurait été un peu spécial pour la conversation. Donc on n'a pas pu faire Kenny. Kenny il a une cagoule et on l'entend pas quoi. Et il meurt. Ouais bon, c'est son rôle principal. Son rôle de sa vie, c'est de mourir. C'est de mourir à chaque épisode de South Park. Vous savez, la petite série. Oui. La petite série qui est aussi sur jeux vidéo. Et on s'est dit dès ce matin, pourquoi pas un réveil de star avec Cartman? Pourquoi pas? On y va. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Et ce matin, Cartman va réveiller la famille de Stéphane. Faites réveiller par South Park, ça doit être bizarre, hein. Ouais. Ça, c'est la musique de South Park que vous entendez derrière. C'est ça, et Cartman, c'est celui qui fait tout le temps, ça me troue le cul. Ouais, ça me troue le cul. C'est vrai. Oh, bah c'est une de ses punchlines préférées, c'est quoi. C'est ça. Ouais. Oh, putain, comment ça troue le cul d'avoir un iPad, hein, les mecs? Le voici tout de suite. Le réveil de star chez Stéphane. Attention. Ah, et Kenny, il parle dans le film South Park. Tu vois, ah ouais. Hein, allô? Allô? Bonjour. Vous êtes qui? Comment ça va? Attendez, vous êtes qui? Eric Cartman. Eric Chapman? Cartman. Oui, et vous voulez quoi? Oh putain, comment ça troue le cul d'avoir un iPad, hein, les mecs? Pardon? Il est où ton iPad? D'abord, on se tutoie pas, et j'ai pas d'iPad. Oh, c'est vrai, t'es pas assez cool, t'en as pas. Je t'emmerde, moi. Tu te fous de ma gueule? Attends, tu me téléphones chez moi pour avoir un iPad, tu me connais pas, non, mais c'est quoi ces affaires, là? Wi-Fi plus 3G, 64 gigas, c'est celui-là! Qu'est-ce que j'en ai à foutre, je m'en fous, moi? Putain, tout le monde le sait, ce qui est par Apple, c'est de la pure merde! Mais qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Et vous, ça vous dirait d'aller vous faire mettre? Mais va te faire mettre toi-même, espèce de con, va. Allez, voyons ce que t'as dans le pantalon. Eh ben, écoute, c'est pas grave, mon petit père. Tu sais ce que je vais faire, moi? Laissez-moi deviner, je me suis encore foutu dans la merde. Eh ben, je vais aller à la gendarmerie. Oh, putain, le bordel de merde! Je vais te reconnaître, je vais te trouver, mon petit père. Ah, oh, bah tiens. Je vais te retrouver, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il veut? Mais il sait pas ce qu'il veut avec un iPad, c'est un sale con qui veut me faire chier. Mmh. Mais c'est pas grave. Mais continue, mon petit père. Continue, je vais avoir ton numéro, de toute façon, par Orange. Oh, merde. Je vais avoir ton numéro. Tu m'as bien baisé sur ce coup-là. Allez, arrête ton char. T'es qu'un sale con. Mais t'inquiète pas, j'aurai ton numéro. Est-ce que tu veux faire chier, tu dois me connaître, je sais pas. Mais t'inquiète pas. J'aurai ton numéro et tu vas voir. Tu pourrais me faire un bisou? Je vais te faire un bisou, pauvre con, va. Parce que j'aime bien qu'on m'embrasse avant de me faire baiser. Bon, pépère, continue, comme ça je vais bien choper ton numéro, je vais à la gendarmerie, parce que même le numéro masqué, t'inquiète pas, je vais te l'avoir. Je suis balèze. T'es balèze? Ben t'as intérêt à être balèze. Parce que tu vois, ça va aller très mal, hein. Bordel, tu vas pas encore me baiser? Je t'emmerde, c'est fini, tu me fais plus chier. Et moi, j'appelle tout de suite la gendarmerie, ok? Ouais. Avant que je te tombe dessus. Gardez vos distances, tête de nez, ou je vous laque les pans de lac. Allez, espèce de con, va te faire foutre, va. Oh, c'est déjà fini. Cartman est content, hein. Ah oui, bah, grande réussite. Il est content, hein. Moi, j'attends avec impatience, comme d'habitude, le petit coup de fil à la gendarmerie. Bonjour, monsieur le gendarme. J'ai été réveillé par Eric Cartman. Voilà. Eric Cartman de South Park. Bah, qui l'appelle? Bah ouais. Il nous donnera des nouvelles. Et, on en aura peut-être bientôt, hein. C'était Stéphane et le réveil de star sur Skyrock à 6h11 tous les matins, à 6h10, 7h10, 8h10. Le réveil de star. Moi, j'attends le prochain avec impatience. Moi aussi. Hein. Ouais. Allez, dans moins d'une heure, c'est sur Sky. Et dans un instant. Oui. Dans un instant. Gagnez votre nouvelle PS4. Tiens, il y en a un qui croise les doigts. Zgougou, qui nous laisse un message. La nouvelle PS4, je croise les doigts. Vive Skyrock. Invité mystère à découvrir après Ariana Grande. Ziggy X. They got one more problem with you, girl. Hey. is. What you got? Small money, but and I'll be better off without you. In no time, I'll be forgetting all about you. You're saying that you know, but I really, really doubt you. Understand, my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggie to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. No head stepping either, you wanted it, you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boy, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? C'est Maître Gims. Ah ouais. Salut, c'est Maître. Je dis quoi? Ok. Ouais, un délire quoi. C'était bien? Skyrock Arena Grande, pendant Arena Grande, vous avez entendu des trucs, c'est possible, je faisais une pré-écoute en direct, parce que les pré-écoutes, logiquement, dans les radios normales, ça se fait hors antenne, et ben nous, on les a faites en direct. Voilà, comme ça, on monte les coulisses un peu. Exactement. On va parler de Star ce matin, on va vous offrir la console Star, c'est la PlayStation, la nouvelle PlayStation PS4, Slim. La Slim, qui sort aujourd'hui, en attendant l'arrivée le 10 novembre de la toute nouvelle, la PS4 Pro, qui s'appelle, ce sera pour les pros. Ouais. La Slim, pour ceux qui veulent maigrir aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous offrir toute la matinée. En fait, la sortie de la PlayStation, elle sort aujourd'hui et elle est déjà sur Skyrock. Et 15 jours avant la sortie, vous gagnerez également FIFA 17. Bien. Et NBA 2K 17. Bien. Parce que Romano, on a répété toute ouais, la mais nuit. Je, pas, je vais tout le temps dire 16. On a répété toute la nuit. Mais c'est 17. Bon, on va parler des stars et des jeux vidéo. Cariole, ton jeu vidéo préféré, c'est quoi? Ah, les lapins crétins comme Romano. Non, moi j'aimais bien Alien quand j'étais petite sur Mega Drive. Alien, parce que ça lui faisait penser à Romano, elle adorait. Oh. Ouais, non, on se connaissait pas. Ouais, mais elle pensait déjà à toi. C'est ça, c'était fort. Déjà le destin, quoi. Ton jeu, c'était Alien. J'adorais. Tu adorais j'étais Alien. Même pas né, quoi. C'était quoi ton jeu vidéo? Mais toi, tu as 14 ans, c'est normal que tu ne sois pas né quand Alien est sorti. Romano, c'était quoi ton jeu vidéo préféré? Bah, moi j'ai. Maintenant là? Oui, enfin oui, aujourd'hui, oui. Bah là, aujourd'hui, j'en ai plus. Il en a plus, le pauvre. Parce qu'il a vendu sa console sur le bon coin pour gagner encore plus d'argent. Non, mais moi, c'était. Bon, j'ai eu les lapins crétins que j'ai adoré pendant une période. Les lapins crétins, c'était son truc. Ouais, sur la Wii, ça, j'adorais. Il déteste le bowling parce que je le nique au bowling. Ouais. Mais ça, c'était sur Wii qu'on jouait. Ouais, il faut lui maniquer une fois. Donc, je l'ai défoncé et après, il a plus au voulu... bowling. Oh là là là là. Il n'a plus jamais voulu jouer, bizarrement. C'est vrai. Terrible, terrible. Tiens, moi, c'est GTA pour Portos 59, mon jeu préféré. Tomb Raider pour Hello Pop. FIFA. Call of. Pour les autres. J'ai du Call of encore. Crash Bandicoot pour Sherminator. Karim, ton jeu vidéo préféré? Moi, c'est FIFA, moi. FIFA, Karim moi, de la Radio FIFA, Libre moi. Qui est avec nous ce matin. Ouais, il nous fait l'honneur de sa présence. Exactement, wow, c'est un peu c'est un peu notre VIP du matin. C'est VIP ça, du matin. C'est donc. FIFA. FIFA, toi aussi? Ouais, moi, je suis FIFA bon, à fond, moi. Eh ben, on va vous l'offrir, FIFA. Il va falloir découvrir un invité mystère. Et ça risque d'être assez simple, vous allez voir pourquoi. Voici notre invité mystère avant de découvrir les jeux préférés des stars ce matin. Restez bien là. On vous dira tout dans un instant. L'invité mystère. L'invité mystère. What? L'invité mystère à découvrir tout de suite. L'invité mystère avec sa voix. Ah ouais. Eh ouais, j'espère que tu es prêt. Hein. Je dis quoi? Eh ben, faut dire tout ce que tu veux, mais pas ton nom. Ok. D'accord. Okay. Ah, nickel. T'es parfait. C'est donc lui, notre invité mystère. Ouais, un délire, quoi. Oui, c'est un délire, mais c'est surtout un gros, gros cadeau qu'on va vous offrir, la PS4 Slim. C'était bien? Vous la gagnez, elle est bien, ouais. Vous la gagnez tout au long de la matinée, vous nous laissez vos messages si vous avez reconnu la voix de l'invité mystère. Logiquement, ça devrait être facile, vous verrez pourquoi. Oui, oui, oui. L'invité mystère qu'on découvre et on parlera après de joueurs de foot, Zlatan, Antoine Griezmann. On parlera de rappeurs également, de filles de la télé-réalité, Kim Kardashian, hein, parce qu'elle joue aux jeux vidéo, elle sait même ce que c'est, elle est très intelligente, hein. De notre Riri à nous, et d'acteurs aussi, quels sont leurs jeux vidéo préférés, des stars accro aux jeux vidéo qu'on va découvrir. Mais d'abord, on a une petite info aussi sur notre invité mystère. Qui est-il? Vous envoyez vos réponses au 41-759 avec votre appli Skyrock aussi, ça marche. Vous laissez bien vos numéros de téléphone et vous gagnez, eh bien vous gagnez tout de suite la première PS4 Slim de ce morning. Il y en aura plein à choper. Il y en a une pour vous maintenant. Bonne chance.

to take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things, and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from this friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Et ce matin, pour bien terminer la semaine, on vous file votre nouvelle console, la PS4 Slim, avec vos jeux FIFA, le nouveau, FIFA 17, et avec le nouveau NBA, NBA 2K17. C'est à gagner, c'est pour Jérémy qui est avec nous en direct de Berck, dans le 62. Ah. Salut Jérémy. Salut Difool, salut toute l'équipe. Salut Jérémy. Ah, salut Jérémy. Ah. Et c'est toi qui vas être le premier ce matin à gagner la PlayStation Slim qui sort aujourd'hui. Car tu as trouvé le nom de l'invité mystère. L'invité mystère, le voici, il est là. Très très difficile à ce matin. Difficile comme tout. Ouais, un délire quoi. Oui, un délire, bah, c'est ça, c'est pour le réveil. C'était bien ? Oui, c'est bien, merci mon maître. Qui est donc notre invité mystère, Jérémy ? C'est Maître Gims. Lui-même. Oui. C'est Maître Gims. Ouais, c'est Maître Gims. C'est ça. Bien joué. Eh bien, c'est gagné la PS4, la première de la matinée, pas la dernière. Vous aurez la vôtre aussi ce matin. Elle est pour toi, plus le jeu. Merci, merci. Et écoute, Dorian, est-ce que tu colles sur la console ? Est-ce que tu as un foot console ? Je joue un petit peu, quoi. Eh bien, tu vas jouer beaucoup maintenant, avec tes deux nouveaux jeux et avec ta nouvelle console. Alors, on va faire un petit tour des stars. Déjà, Maître Gims, tiens. Des stars et des jeux vidéo. Maître Gims qui va donner sa voix à un personnage dans un jeu vidéo. Et alors, Maître Gims va jouer un animal. Ouais. Le pingouin. Le pingouin. Le pingouin, Maître Gims, dans c'est le jeu qui s'appelle. C'est Papa Pingouin. Dans le jeu qui s'appelle Skyliners, vous aurez la voix de Maître Gims sur le pingouin. Salut, c'est Maître Gims. Non, salut, c'est le pingouin, il faudra dire maintenant, Maître Gims. Maître Gims, donc, il se retrouve dans un jeu vidéo. C'est marrant, ça. Hein. Ouais. Bon, sinon, on va parler des stars qui sont accros aux jeux vidéo. Parmi les stars accros aux jeux vidéo, on a Zlatan. Alors, Zlatan, ça lui arrive parfois de coller sur la console jusqu'à 5h du matin. Ah ouais ? Et alors, sur quoi il colle, Zlatan, d'après vous ? FIFA ? Non ! Non, trop facile, trop facile. Autrement, j'aurais pas posé la question. C'est pas Call of. Oui, Call of. Bien joué, Romano. I'm the winner. Tu es le winner, oui, parce que Zlatan gagne à toutes les parties. Hein. Ouais. Bah, évidemment, il a même fini le jeu. Oui, le jeu est fini, mais dès qu'il le commence, il le finit. Ah, bah, c'est clair. Zlatan Ibrahimovic, c'est Call of. Il y a une autre star que je vous ai cité tout à l'heure qui joue à Call of aussi, mais qui n'a rien à voir avec Zlatan. Qui c'est? C'est un sportif? Non, c'est une femme. Une femme. Je l'ai citée il y a un Kim instant. Kardashian. Ah. Kim Kardashian. Alors, Kim Kardashian, elle adore Call of Duty. Ah ouais. Aussi. Comme Zlatan. C'est Call of. Zlatan, on t'embrasse d'être passé sur Skyrock. C'est gentil comme tout. Hein. Merci, Skyrock. Merci, Zlatan. D'autres stars. Tiens, une star du foot. Antoine Griezmann, d'après toi, Jérémy, à quoi il joue, Antoine Griezmann? Bah, FIFA. Non, NBA, je crois. Non, un jeu de foot, on en a parlé. Ouais, c'est le truc là où t'es entraîneur de foot là. Football Manager. Ah, voilà, Football Manager. Ouais, il a même mis Giroud sur le banc quand il entraînait Arsenal. Voilà. Mais il a pris Arsenal, il a foutu Giroud dehors. Giroud dehors, au revoir. Easy. Tiens, Snoop Dogg, à quoi il joue lui? Je sais pas, un truc où t'es dealer. Ah. GTA, non. Il vend de la drogue dans GTA. Non, c'est pas ça. Il est grand fan des jeux Halo. Il adore tous les Halo. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. J'ai qui d'autre? Riri. Ah oui, je vous avais promis de vous parler de Rihanna. Elle, elle joue à tout parce qu'elle sait pas à quoi elle joue dans un certain état. Ah, voilà, ouais. Donc il y a des copines à la maison, elle sort la console et elle s'éclate comme une bête. Et James Bond, Daniel Craig qui a joué James Bond, lui, il adore à jouer. James Bond. Pas du tout au jeu James Bond, trop facile. À Guitar Hero. Ah ouais. Ah ouais. C'est un guitariste, dis donc. Et bah toi, tu vas pouvoir jouer à tout ce que tu veux. Jérémy, on t'envoie à la maison ta nouvelle console. Et les deux jeux qui vont avec. Ouais, le FIFA, le nouveau, et le NBA 2K. Le nouveau aussi, tout ça. 17. À gagner tout au long de la matinée. C'est pas fini, il y en aura plein d'autres. Matinée spéciale PS4 Slim ce matin sur Skyrock. Bon réveil, Jérémy, bonne journée à toi. Merci à vous aussi, merci à toute l'équipe. Salut Jérémy. Salut Jérémy. Allez, Soprano, En Feu, les infos juste derrière et les conseils pas chers. Jeux vidéo, console, tout ça. Ouais, on va s'en occuper. Ouais. Aussi dans les conseils pas chers, comment faire pour gagner de l'argent? Ben, il y a aussi les 1500 euros qui arrivent. Dans 5 minutes, on vous appelle. On vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock. Qu'est-ce dans la poche? En direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et c'est Soprano. Il est en feu, Soprano. Et on aura des places de concert au filet tout à l'heure. Soprano a gagné aussi dans la roulette sur Sky. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais une grotte et garde Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien peu. Si tu me parles, rien peu. Si tu me touches, rien peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu. Ça sent le brûlé, ça sent le brûlé. Appelle les pompiers, je suis chaud. Je suis en feu. On est en feu. PS4 a gagné toute la matinée. Vous retrouvez votre sondage du jour. Sondage du jour, jeux vidéo aussi ce matin. Les Français, les Françaises et les jeux vidéo tout à l'heure avant 7h. Ouais. Les conseils pas chers, Romano, on va faire quoi ce matin? Jeux vidéo. Oh, jeux vidéo, truc de fou. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? On gagne des consoles gratuites? Non, là, je vais aller refourguer du matériel aux familles. Là. Ah, comment faire pour refourguer du matériel aux familles françaises? Du matériel jeux vidéo, bien sûr. Évidemment, évidemment, jeux vidéo. C'est dans un instant à 6h40 hein, pour vos conseils pas chers tous les matins. Notez bien les nouveaux horaires du New Morning de cette année. 6h40, conseil pas cher. 6h45, 6h50, l'horoscope de l'amour. Et juste après, le sondage du jour. Et pour démarrer la demi-heure, après les infos de Rémi, c'est 1500 euros qu'on vous offre. On va peut-être vous appeler à la maison là. 1500 euros à gagner, préparez-vous. Juste après, le point sur l'actu. L'actu qui démarre par la météo. Eh bien, ouais, vous aviez trop chaud au début de semaine, nous aussi. Eh bien, il fait plus froid aujourd'hui, ah ben là, vous allez voir. C'est le cadeau. Oui, le cadeau de ce vendredi. Les températures baissent. Et en plus, il y a presque plus de soleil. Ah, bah oui, carrément, c'est une journée pluvieuse hein, pour presque tout le monde, même si le temps est assez clair ce matin. Les averses vont concerner tout le pays. On aura même des orages, principalement dans le sud-est. La pluie sera toujours bien présente demain samedi, excepté le long des côtes atlantiques et de la Manche. Ça ira un petit peu mieux dimanche, mais on aura quand même encore de la pluie en Ile-de-France et sur une large moitié est. Les températures ce matin comprises entre 10 et 19 degrés, avec 15 à Paris, de 17 à 25 cet après-midi. Et puis la pollution, c'est plutôt bon. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur l'île, Nîmes et Cannes. Et l'actu, c'est parti, l'actu, le sport sur Sky. Les manifestations anti-loi travail émaillées d'incidents hier. Des heurts ont éclaté à Paris, Nantes, Rennes, Rouen, Grenoble, Toulouse et Montpellier. 15 policiers et gendarmes blessés, dont 2 grièvement. 62 personnes ont été interpellées, 32 placées en garde à vue. Au final, cette 14e et dernière mobilisation a été plutôt bien suivie. 78 000 manifestants ont défilé un peu partout selon les autorités, alors que les syndicats en revendiquent 100 000 de plus. Les condamnations qui sont tombées cette nuit dans l'affaire de la bagarre de Cisco, les 5 prévenus écopent de 6 mois avec avec sursis à 2 ans de prison ferme. La bagarre a opposé en août dernier des Corses originaires de la commune. À l'origine dehors, une famille d'origine marocaine qui aurait tenté de s'approprier un bout de plage. S'en sont suivis des insultes, des jets de pierre et des coups. Le camp des villageois était composé d'une centaine de personnes. Plus de peur que de mal hier à Aix-en-Provence. Un TER et un camion sont entrés en collision. Le train relié Marseille à Briançon. Des dizaines de pompiers se sont rendus sur place. Le bilan aurait pu être assez lourd, mais ne fait état que de quelques blessés légers. Pokémon Go qui semble avoir du plomb dans l'aile. Certains parlent d'un jeu de l'été, un petit peu comme les tubes là, qui nous font danser en vacances. La lambada. Voilà, par exemple, l'application qui comptait 45 millions d'utilisateurs en juillet en a perdu 12 millions en août. Alors tout est en baisse, hein, des téléchargements au temps passé sur l'appli. Le développeur réfléchit à un moyen de relancer l'intérêt du public. Donc pour les fans qui jouent encore, eh bien vous pouvez vous attendre à des nouveautés très prochainement. Bon, on va parler football maintenant avec du nouveau à Lyon, la Ligue 1. Et pour démarrer, la Ligue Europa avec les matchs de Saint-Etienne et Nice hier. Ouais, bah soirée en demi-teinte quand même pour les clubs français. Nice s'est réveillé mais trop tard contre Schalke 04. Du coup, défaite 1-0. Et puis Saint-Etienne concède le nul contre Mayence, un but partout. L'ouverture ce soir de la 5e journée de Ligue 1, quand on reçoit Paris à 20h45. On suivra ça en direct dans la Radio Libre. Ce sera sans Hatem Ben Arfa. Unai Emery qui lui demande de plus d'efforts en match comme à l'entraînement. Confirme donc son caractère inflexible même face aux stars de l'effectif. Kurzawa et Aurier, légèrement blessés, sont eux aussi absents. Oui, non et finalement oui. Les discussions ont repris hier concernant Emmanuel Adebayor. Et bien le Togolais et Lyon sont finalement tombés d'accord. L'attaquant doit passer sa visite médicale et s'engagera normalement à l'OL jusqu'à la fin de la saison. C'est bien, c'est... les transferts sont finis hein, depuis 15 jours. Mais ça continue encore. Mais ça continue, c'est pas fini. Merci Rémi pour les infos. On te retrouve dans une demi-heure. Il est 6h34 sur Skyrock. Check, check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est les conneries à la radio, ça. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et bon réveil à vous. On fait un gros bisou à Mams. À Mathieu Mams qui nous demande comment on fait gagner pour la PS4 Slim. Comment on fait pour gagner la PS4 Slim? Ah bah, faut jouer avec nous, tiens. Bah ouais, on jouera tout à l'heure à 7h20 et on jouera à Info Mytho tout à l'heure à 7h20. Vous pourrez gagner encore une nouvelle PS4 Slim ce matin dans le morning. Et comment faire pour gagner 1500 €? Bah, c'est simple. Vous pouvez augmenter vos chances de gagner. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Sinon, faut attendre. Oui. Ouais. Et pour augmenter les chances de gagner, il faut envoyer 1500 au 720-20. Exactement, et Romano. Ouais, 1500 au 720-20. Je m'en étouffe de joie. Vas-y, vas-y. Prends tes cachets, prends ton sirop, Romano, et prépare ta belle voix. On sait jamais si je t'appelle dans un instant. Hein. Ah, bah, je suis prêt, Skyrock. Donc, 1500 au 720-20, c'est pour augmenter vos chances de gagner. Sinon, si vous êtes dans les annuaires, bah, si vous avez un téléphone, on a vos numéros. On tire au sort. Ouais. Et vous gagnez peut-être 1500 €. L'enveloppe est là. Je l'ouvre dans un instant. Et puis, bah, nos conseils pas chers de ce morning, les premiers de la matinée avec toi, Romano. Conseils pas chers, je vais livrer la nouvelle PS4 Slim aux familles qu'elles n'ont pas commandé, mais je leur livre. Ouais. Alors, vous allez voir comment ça marche, la vente forcée. Ouais, c'est ça, ouais. La vente forcée, c'est le test de ce matin, ça arrive dans 5 minutes. Et je vous donnerai également le classement des consoles les plus vendues dans l'histoire des consoles. Ah, depuis que les consoles, elles existent. Ouais, c'est ça. Et ce n'est pas la PS4 qui a été le plus vendue au monde dans l'histoire des consoles. Quelle était la première console qui est sortie, vous le savez, ça? Ah, si, c'est l'Atari, je crois, non? Eh bien, pas du tout. Une fois de plus, tu as complètement tort. C'est pas la Master System? Non plus. C'est putain, quoi, c'est Romano? Eh ben, je vous donne dans quelques minutes. Ah, le suspense! Bon, dans un instant, on va tout découvrir. Restez bien là, mais d'abord, allez, on passe aux choses très sérieuses. Voici vos 1500 € sur Skyrock. Comment gagner 1500 € en moins d'une seconde? Skyrock! En répondant Skyrock. Morning Show! Hop là, et on ouvre l'enveloppe. 1500 € à gagner. Et ce matin, je vous l'annonce, comme ça, direct, on va dans le 78. Si vous nous écoutez dans le 78, 1500 € à gagner pour quelqu'un qui habite à Saint-Germain-en-Laye. Et pour, plus précisément, une fille qui s'appelle Anna. Toutes les Anna de Saint-Germain-en-Laye doivent être au taquet. Hein. C'est Anna Nickel. C'était ma copine imaginaire, Anna, quand j'étais petite. Ah, bah tu vois, ouais, c'est peut-être bien. Elle qu'on appelle Cariole. Elle est vraiment vivante. Anna Nickel. Elle est réelle. Allô? Madame Nickel? Anna? Anna? Anna. Ah, on t'entend souffler, Anna. Es-tu là, Anna? Comment? Te cache? C'est pas Anna, je pense. Bonjour, te cache? Facile, enfin, si, te cache. Bonjour, je m'appelle. Bah, te cache. Anna, je me suis fait mettre un sexe d'homme. Ouais, alors tu décaches. Et tu décaches immédiatement, sinon je te tape avec et je te blesse. Non, c'est bon, merci, monsieur. Voilà. Non. Donc c'était monsieur Nickel, a priori. Oui, très sympathique. Très sympathique. On réveille. Désolé, bon, bah, il gagnera pas les 1500 €, lui. T'es cash. Dans un instant, donc, les consoles. Tout de suite, Rihanna Calvin Harris. Vous avez vu, Calvin Harris, il sort pas avec Rihanna, hein. Non. Il sort avec? Bah, il sort avec, plus personne, là. Taylor Swift, non. Eh bien, si. Non. Si. C'est fini avec Taylor Swift, mais il sort avec quelqu'un. Ah. Il sort avec Jennifer Lopez. Non. Si. Ah ouais? Depuis quand? Depuis là. Ça y est, là, c'est tombé. Bladadam, c'est tombé ce matin. Calvin Harris, 32 ans, sort avec Jennifer Lopez, 72. Ah ouais. Eh bien, ça me fait plaisir, moi, ce genre de truc. Non, elle est mignonne, Gilo, il va s'amuser avec Gilo en plus. Hein. 47 ans, Jennifer Lopez, 32 ans, Calvin. Ils ont été vus ensemble, tout va bien. Bon, nous, on l'écoute avec Rihanna parce qu'on n'a pas de son de Calvin Harris et Jennifer Lopez. Non, cas, pas pour l'instant. Hein. C'est le This is what you came for qu'on écoute tout de suite à 6h38 sur Sky, dans le morning. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Calvin Harris qu'on écoutait pour This Is What You Came For, le DJ le plus riche du monde. Oui, c'est vrai. Alors la première console qui est sortie, ce n'est pas l'Amstrad. Moi, je croyais que c'était l'Amstrad ou Atari comme Karim. Comment elle s'appelle la console qui est sortie? Elle s'appelle la Magnavox Odyssey. Comme tu es intelligent, Romano. Elle est sortie en 1972. Heureusement que vous nous avez envoyé des messages. Il y en a qui le savaient, vous imaginez? Ouais. Il y a Ed qui nous a envoyé un message et qui savait que c'était la Magnavox. Comment ça? Magnavox Odyssey. Magnavox Odyssey qui est sortie en 1972, la première console. Ah ouais? Et ouais, matinée spéciale console et matinée spéciale PS4 Slim qu'on vous offrira tout à l'heure avec vos jeux, le nouveau FIFA qui est dément, hein, et puis le nouveau NBA. Tout ça à choper et également des conseils pas chers avec des jeux. des jeux, des consoles, du matériel de jeux vidéo qui va te permettre de gagner des sous. Madame. Ouais, ce matin, je livre en exclus chez les familles la PS4 Slim qu'elles n'ont pas commandée. Ouais, il y a des familles telles que je les connais quand on les appelle le matin, on commence à les connaître un petit peu, qui à mon avis ne vont rien comprendre. Hein. C'est tu possible. Crois ça, ouais, ouais. PlayStation Service. Non, pas du tout, non. Faut pas comprendre, vous allez voir. Quelles sont les consoles les plus vendues depuis l'invention des consoles? T'as tous les résultats. Bon, déjà la moins vendue. Oui. Bon, c'est la GameCube de Nintendo. Ah ouais, la GameCube. Ah ouais, bon, ils en ont quand même vendu 21 millions. Hein. Ah, ça va quand même, ça va. Ouais. Alors. Et la première. Ouais. Alors attention. C'est PlayStation, mais laquelle? Ah ouais, c'est la 4, moi je dirais. La 4? Non, pas du tout. La 1? Non plus. Moi je dirais la 2. Bah, bravo, Diffou. Oh, bravo. Bravo, Diffou. Merci, public. Elle est sortie en 2000 et ils en ont vendu un peu plus de 157 millions. 157 millions de PlayStation 2. Et ben. Alors, la deuxième dans l'équipe, essayez de trouver. La Super Nintendo. Non, moi je dirais la Nintendo DS. Bravo, Diffou. Bravo, merci, bravo. Merci, public. Merci. Celle-là, elle est sortie en 2004. Combien? 154 millions de ventes. Ah, presque autant que la PlayStation 2. Allez, la troisième. La Nintendo 64. Non plus. Diffoul alors? Moi je penserais à une console portable, peut-être la Game Boy. Exactement. Bravo. Merci public, merci. Qui est fort, ce Diffoul? La Game Boy, merci. La Game Boy, Camille. La toute première, elle est sortie en 1989. Il y a eu la Game Boy Color en 1998. J'entendais, Romano, il dit pas Game Boy, il dit Game Boy. Game Boy. Bah en même temps, bah, comment tu prononces toi? Game Boy. Comme ça se prononce. T'en as eu une ou pas? Moi si, j'en ai eu. Moi j'ai toujours dit Game Boy. Ah, c'est la Game Boy de Romano. 118 millions. Pas mal. Et la quatrième, bon je vais vous la donner parce que vous êtes nuls, à part Diffoul. C'est la PlayStation 1. Celle qui est sortie en 1994, je crois. Ouais, c'est ça. Bravo. On a révisé hein, depuis hier. 104 millions d'exemplaires. Pas mal. Et là, oui, alors. Elle est cinquième. Ah bah voilà, tu vois. Elle est sortie en 2006, 101 millions d'exemplaires. C'est pas mal. Et ce matin, c'est l'heure des conseils pas chers. Ouais, conseils pas chers. Les conseils pas chers de Romano lui-même. Bill Gates gagne 250 $ par seconde. Romano, lui, c'est une arnaque par seconde. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Il est content, les conseils pas chers arrivent. Donc ce matin, vente forcée dans les conseils pas chers. Et la PlayStation 4, je vais quand même vous dire, elle a été vendue à 43 millions d'exemplaires. Mmh. Et à comparaison, la Xbox One, seulement 22 millions. PlayStation est toujours là. Hein. Ah ouais. Et PlayStation arrive avec deux nouvelles consoles. Le remix de la PS4, c'est celle qu'on vous file ce matin. Mmh. Et puis la prochaine sortira le 10 novembre, la PlayStation 4 Pro. Ouais. Pour les pros. Allez, alors, vas-y, on va de la famille. Chez qui on va ce matin? On va chez Jean-Claude. Jean-Claude qui va se faire livrer une PlayStation qu'il n'a pas commandée. On m'a dit que c'était un hardcore gamer, lui. Ouais, ça ne m'étonne pas. JC, le hardcore gamer. Ah, mais JC, il n'arrête pas. C'est son blaze sur les réseaux quand il joue en réseau. C'est JC, le hardcore gamer. Waouh. JC, la famille de JC et Romano. Allô, Jean-Claude? Allô? Oui, bonjour, c'est la femme à Jean-Claude? Oui. Oui, Jean-Claude est dans le coin, il va être content, hein. Ça y est, son colis arrive. Ça y est. Comment? J'ai un colis à amener à Jean-Claude. Ah bon? Sa PlayStation 4 Slim. Une PlayStation 4 Slim. Il y a une erreur. Bah passez-moi voir Jean-Claude, parce que moi j'ai le problème, c'est que je suis sur la route, je vais arriver chez vous là. Alors, je ne comprends pas, mais c'est Jean-Claude comment le nom? Jean-Claude Duss. Ah non, moi c'est pas ce nom-là. Hein. Ah c'est pas toi? Jean-Claude Van Damme, excusez-nous, on s'est trompé parce qu'on a plusieurs Jean-Claude dans la liste. C'est Jean-Claude Van Damme. Ah non, bah je m'appelle pas Van Damme. Hein. Jean-Claude Godin. Jean-Claude Gauthier. Jean-Claude Bougnard. Bon, hey, Jean-Claude, de toute façon, j'ai la PlayStation 4 à t'amener, la Slim, là. Ça fera un cadeau pour les gosses. Bah ouais, ça fera plaisir à la famille. Mais toi, ouais, t'es un hardcore gamer, Jean-Claude. Non, mais moi, je comprends pas du tout, là. Oui, ça m'étonne pas. Si, JC, The Hardcore Gamer, j'ai joué avec toi en réseau l'autre jour. Mais si, Jean-Claude. Non, il y a une erreur, là. Mais si, on a joué sur WoW. Ouais, on jouera à Pokémon. Non, il y a une erreur, c'est pas moi. Hein. Tu feras Pikachu. Bon, Jean-Claude, moi, de toute façon, je suis à 5 minutes de chez toi, il va falloir que tu me donnes 300 balles et puis on n'en parle plus, hein. Oui, mais. Ah, bah là, au revoir, hein, parce que là, c'est une. Préfère 400, allez, 400 euros, je te la fais. Allez, 400 euros. C'est bien. C'est le dernier prix pour la console. Merde. Ah, bah merde, alors, Jean-Claude. Ouais, Jean-Claude, c'est chier, Jean-Claude. Jean-Claude, bon, un autre, t'en as un. C'est Jean-Pierre, ouais. Allez, après Jean-Claude, Jean-Pierre. Alors lui, son pseudo, c'est JP. Ouais. C'est pas compliqué. JP, The Hardcore Gamer. C'est son pseudo quand il joue en réseau. Oh. Ah ouais, Jean-Pierre. Oui. Ouais, comment tu vas? Bien, et toi? Bah ça va. Dis donc, j'ai un colis à te livrer ce matin, là. Ouais. Un colis, tu vois ce que c'est? C'est un carton. Un carton avec un truc dedans, colis. Ouais, alors? Ouais, bah il faudrait que je te l'amène, t'es chez toi, là. Ouais. Ouais. Bon, bah, 7h, j'arrive, je te livre la PlayStation 4 Slim. Et ok, merci. Et il y a 400 euros à payer. Merci aussi, hein. Bah, merci à toi, surtout. Non, mais ça, c'est. Non, bah, vraiment, c'est gentil. Jean-Pierre, prépare-moi un café pour 7h, j'ai pas le temps de prendre le mien. D'accord. Bah, c'est gentil. Et les 400 balles en liquide, hein. Ah, j'en ai pas. Bah, on ira à la banque, je t'emmènerai. Ah, merci, t'es trop gentil. Toi. Ah, bah, de rien. Bah, moi, je suis rendu service, hein, quand il faut. Hein. Tu vois, Romano, t'es trop gentil. À 7h, je suis là, mon Jean-Pierre. Salut, Jean-Pierre. Bisous. Adieu. Bisous sur ta bouche. Adieu. Bisous. Salut, Jean-Pierre. Et voilà le travail. T'es gentil, hein. Ouais, t'es gentil. Il était Jean-Pierre, surtout. Ouais. Hey. C'était Jean-Pierre. Oh. Bon, bah, très bien, dans un instant, on va continuer notre grande matinée spéciale jeux PlayStation, jeux en général et jeux vidéo. Vous savez qu'il y a 1 100 000 000 de joueurs dans le monde. Bah, j'allais le dire. Eh bien oui, plus d'un milliard de joueurs dans le monde. On va faire un petit sondage sur la PlayStation, enfin la PlayStation, les consoles en général, ouais. Et le sexe, les jeux vidéo et les embrouilles de famille, les jeux vidéo et l'énervement devant un jeu vidéo. Tous ces chiffres, les chiffres du sondage du jour, vous allez les découvrir. Le sondage du morning arrive dans 5 minutes, le temps d'écouter. Alonso, qui arrive aussi avec Binta, et dans une minute, votre horoscope de l'amour sur Skyrock. Loïc va tester à l'aveugle des bâtonnets de poisson pané. Les bâtonnets Findus à 5,79€ le kilo, puis les bâtonnets Lidl à 3,89€ le kilo. Loïc. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées, portant sur Findus croustibat bâtonnets de poisson pané non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus infos sur Lidl.fr. Bâtonnets Findus, 3,19€ les 550 grammes. Bâtonnet Lidl, 1,75€ les 450 grammes. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Pendant ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes French Touch. Du 15 au 19 septembre, venez découvrir la toute nouvelle Renault Clio avec son design encore plus séduisant. Et à cette occasion, la French Touch vous sort le grand jeu avec des offres exceptionnelles et une nouvelle Renault Mégane GT à gagner. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. Et l'horoscope de l'amour de ce vendredi, vendredi 16 septembre. Voici nos chiffres, nos puissances amoureuses. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Eh oui, votre horoscope. Tu vas être contente, Cariole. On est bien, on est tous les deux et on est super bien. Ah, j'espère. Voici donc les puissances amoureuses de tous les signes. On commence par le zéro du jour. C'est pour les cancers, c'est pour les capricornes, pardon, les cancers. Je vous ai fait une fausse malejoie. C'est pour les sagittaires et les capricornes. Ah, bah, super, la journée. Voilà, ouais, cool. Célibataire, la peur de l'engagement pourrait vous bloquer. Allez-y par étapes et à votre rythme. En gros, pas très vite aujourd'hui. Et en couple, évitez les sujets qui fâchent aujourd'hui. Sinon, prise de tête à l'horizon. Ok. Attention les sagittaires, attention les capricornes. 1 sur 5. Les poissons et les balances, vous aussi faites attention à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux ou alors ce que vous écrivez par SMS. Ça peut vous amener des ennuis aujourd'hui, vous êtes prévenus au moins, poisson, balance. Aïe. 2 sur 5, c'est la puissance amoureuse des cancers et des lions. Même si vous êtes un petit peu énervé ou un petit peu fatigué en cette fin de semaine, n'oubliez pas le pouvoir d'un sourire qui pourrait tout changer. Oui. 3 sur 4, les vierges et les taureaux, vous serez en phase avec votre entourage aujourd'hui, vos amis et vos amours aussi, c'est une belle journée qui vous attend. 4 sur 5, les béliers et les scorpions, tout le monde va venir vers vous aujourd'hui. Alors, peut-être pour des raisons intéressées pour certains, mais peut-être que l'amour frappera à votre porte. Et 5 sur 5, les gémeaux et les Verseaux. Ouais. Et bien une semaine qui se termine sur les chapeaux de roue pour vous. Vous serez en pole position pour séduire aujourd'hui. Bravo les Verseaux, bravo les gémeaux. C'était notre horoscope de l'amour et dans un temps, notre sondage du jour. J'arrive pas à dire les S, c'est les G aujourd'hui. Votre sondage du jour avec les Français et les jeux vidéo. On va tout découvrir. C'est sur Skyrock, le sondage du jour après Alonso et Binta sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ans sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à Paname, on lui veut la part des ans comme ça. Soleil de minuit, Binta, Binta. bouche. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Ça y est, elle est là, c'est forme animale, te donne la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre. Ma, ma, elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. Skyrock, on écoutait le pote d'Alonso, le pote de Soprano, enfin ils sont tous potes, hein, c'est les psychiatres de la rime, et avec leur projet solo, un extrait du projet solo de Alonso, c'était Binta sur Skyrock. Ken Jones arrive, on écoutera les 21 Pilots aussi tout à l'heure. Tiens, un petit McLemore qui va nous rappeler des souvenirs, ouais, c'est bien McLemore. Et puis tout de suite, notre sondage du jour, matinée spéciale, hein, morning spéciale, jusqu'à 9h sur Skyrock, on vous file la nouvelle PS4, elle sort aujourd'hui, la PS4 Slim, en attendant la grosse PS4 qui sortira le 10 novembre. On vous offre la Slim ce matin, plus FIFA, le nouveau, c'est dans 15 jours qui sort, ouais. Et le nouveau NBA, dans une semaine, ouais. Tout ça à choper sur Skyrock, on jouera d'ailleurs à 7h20 tout à l'heure, préparez-vous. Et notre sondage concerne les jeux vidéo et les Français ce matin, le sondage du jour. Donc il y a plus d'un milliard de joueurs dans le monde, 1,1 milliard exactement, ouais. Et il y a 7 Français sur 10 qui jouent aux jeux vidéo. C'est un bon business. C'est ouais. Déjà pas mal, ouais, c'est vrai. Voici tout de suite le sondage qui concerne les Français, les embrouilles, les Français, le sexe, les Français, les consoles. Le sondage du morning de Default sur Skyrock. Le pourcentage des Français qui préfèrent jouer à la console plutôt que de faire l'amour, je vous le donnerai dans un instant parce que celui-ci, il est pas mal. Et alors chérie ou leur femme vient faire l'amour, ils disent non, je joue à FIFA. Non, je suis en train de jouer, non, okay. Je suis en train de jouer, merde. Tout va bien. Bon, si vous êtes parent ou enfant, voici un chiffre qui vous concerne. C'est le chiffre des parents qui se sont déjà embrouillés avec leurs enfants à cause d'un jeu vidéo ou à cause de la console. Et alors là, attention, on arrive. Si ça vous est déjà arrivé, sachez que vous n'êtes pas seul. Hein. 61% des parents ont déjà embrouillé leurs enfants à cause d'un jeu vidéo ou à cause de la console. Normal. Eh ben écoute, ça fait quand même 39 qui se sont jamais embrouillés. Ouais, moi j'aurais pensé que c'était plus. Moi aussi, ouais. Eh ben c'est déjà pas mal. 61% les parents qui s'embrouillent avec la famille à cause des jeux vidéo. Quel est le pourcentage des joueurs qui ont déjà pleuré devant un jeu vidéo? Qui a pleuré devant un jeu vidéo? Romano, non, jamais, quand je t'ai battu au bowling. Non, ça non, va, non. J'ai vu qu'il y avait la larme à l'œil. Ah ouais, bah tellement c'est sûr, triste. Ouais. Il y a 12% des joueurs, ça c'est les hardcore gamers ou les dépressifs, il y a deux solutions. 12% des joueurs qui ont déjà pleuré devant un jeu vidéo. Le pourcentage des joueurs qui se sont déjà énervés devant un jeu vidéo. Enfin 90%. Ah ouais, ça doit être énorme. 86%. Ah oui. Il y en a même qui ont cassé déjà leurs consoles. Ouais, ça c'est arrivé souvent, ouais. Leurs écrans, etc., etc. Un joueur sur deux est une femme, c'est un petit chiffre que je vous donne comme oui. Ça. Donc il y a des joueurs, des joueuses. Et alors, justement, puisqu'on parle d'hommes et de femmes, quel est le pourcentage des joueurs en couple qui préfèrent jouer à la console? Ça va vous terroriser si vous êtes en couple. Plutôt que de faire l'amour. Je sais pas, les 10%. Bah tu multiplies par 3,2 et tu arrives à 32%. Ah ouais, quand même. Donc il y a un couple sur trois. Dans le couple, il y en a un des deux qui préfère jouer à la console plutôt que de faire l'amour. Ça doit faire plaisir à l'autre. Eh ben j'espère que ça vous est pas tombé dessus tout ça là. Ah ouais. Et ouais, un tiers des joueurs préfèrent jouer à la console plutôt que de faire l'amour à leur partenaire. Et ben voilà. C'est le chiffre qu'on va bien retenir aujourd'hui celui-ci hein. 32. C'est clair. Ouais, et si vos parents vous emmerdent tiens en fait pour les jeux vidéo, il y a 90% des joueurs de jeux vidéo qui ont de meilleurs résultats scolaires que ceux qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Voilà, dites ça à vos parents. Voilà. Ah, toi, tu passes ton temps sur Facebook, t'es idiote, maman. Voilà. Papa aussi, d'ailleurs. Papa, il est sur Snap, idiot. Il est bête. Il est tout bête, papa.

Ouais. C'est pas le jour le plus chaud de la semaine non plus. Ah hein. Non. Non, par contre, c'est un jour très chaud sur Skyrock. On démarre la journée avec la spéciale PS4 Slim. On vous la file. Et bien, dans un quart d'heure, 20 minutes, tout à l'heure, à 7h20, la PS4 Slim, elle est pour vous. Vos 1 500 € aussi. Où est mon enveloppe, Romano? Ah, je sais pas. Tu l'as volé, je crois. Ouais, je sais pas. Non, je lui mets pas, non. Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche droite de ta petite, de ton petite veste capuche, là? Non, mais non. Il n'y a rien du tout, en plus. Les 1 500 €, bon, c'est Romano qui ouvre l'enveloppe. Rassurez-vous, hein, je garde votre chèque au chaud, c'est pour vous, il suffit de répondre Skyrock dans un instant. Mais avant ça, 7h03, le point sur l'actu, bah, comme promis, on démarre par la météo pour aujourd'hui. Eh ben, c'est pluvieux. Eh ben oui. Eh ben voilà, pour tout le monde, même si le temps est plutôt clair ce matin, des averses qui vont concerner tout le pays. On aura même des orages, principalement dans le sud-est. La pluie, elle sera toujours bien présente demain samedi, excepté le long des côtes atlantiques et de la Manche. Ça ira un petit peu mieux dimanche, même si on aura encore de la pluie de l'Île-de-France et sur une large moitié est. Les températures ce matin entre 10 et 19 degrés, 15 à Paris, de 17 à 25 cet après-midi, et puis la pollution, c'est plutôt bon, les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Lille, Nîmes et Cannes. Et le poisson l'actu avant de retrouver aussi les 21 Pilots et le réveil du jour, c'est avec South Park ce matin et avec une star de South Park, Cartman. L'actu, le sport, on y va. Et les manifestations anti-loi travail émaillées d'incidents hier. Des heurts ont éclaté à Paris, mais aussi à Nantes, Rennes, Rouen, Grenoble, Toulouse et Montpellier. 15 policiers et gendarmes blessés, dont 2 grièvement. 62 personnes interpellées, 32 placées en garde à vue. Au final, à cette 14e mobilisation, probablement la dernière, a été plutôt bien suivie. 78 000 manifestants qui ont défilé un peu partout, selon les autorités, alors que les syndicats en revendiquent 100 000 de plus. Un guet-apens sur le net. Une jeune femme a été violée par 5 individus âgée d'une vingtaine d'années en plein Paris au Champ de Mars. Les faits se sont déroulés en tout début de semaine. La victime avait un rendez-vous avec un homme rencontré sur Facebook et qui lui a donc tendu un piège. Elle ne doit son salut qu'à un couple de Canadiens qui ont entendu des cris pendant qu'ils faisaient un footing matinal. Les agresseurs ont pris la fuite, mais la police dispose de traces ADN. François Hollande qui a fêté un anniversaire hier, celui du Bon Coin, 10 ans. Eh oui, le président n'a pas manqué de se moquer de Nicolas Sarkozy qui avait dit ne pas connaître le site en mai dernier. Le chef de l'État a remercié les fondateurs pour leur dynamisme. Le Bon Coin emploie 400 collaborateurs et permet aussi de trouver du travail. C'est le 6e site le plus visité en France avec 26 millions d'internautes par mois. Parle de sport. Ouais. Allez, le foot avec l'Europa League hier soir. Ouais, la Ligue Europa est une soirée en demi-teinte pour les clubs français. Nice s'est bien réveillé mais trop tard contre Schalke 0-4. Défaite des Aiglons 1-0. Saint-Etienne concède le nul contre Mayence. Un but partout. L'ouverture ce soir de la 5e journée de Ligue 1. Quand on reçoit Paris à 20h45 et une nouvelle fois, eh bien ce sera sans Ben Arfa. Unai Emery qui lui demande plus d'efforts en match à l'entraînement confirme donc ce caractère inflexible même face aux stars de l'effectif. Kurzawa et Aurier légèrement blessés sont eux aussi absents. Moi, je pense que c'est Emery qu'il faut laisser sur le banc, moi. Ah, tu penses? Je sais pas, on va voir, on verra ce soir. Ça risque de lui arriver. Et si vous nous écoutez à Caen, on vous offrira vos places pour aller voir le PSG Caen de tout à l'heure, et pour les autres villes aussi, si vous avez un match de foot dans la ville. Les places à gagner, c'est sur Skyrock. La Ligue 2 avec la 7e journée ce soir, 9 matchs au programme, Sochaux-Reims, 3 Niort, Tournimes, Bourg-en-Bresse-Le Havre, Red Star Laval, Gazelle-Lac Amiens, Valenciennes-Ajaccio, Orléans-Strasbourg et Clermont-Lens. Coup d'envoi des rencontres à 20h. Voilà, et on en reparlera ce soir dans la Radio Libre en direct. Oui. Merci Rémi pour les infos. Et bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Si vous venez de vous brancher, vous êtes sur Skyrock. Bonjour. Oh mais qui c'est? C'est Cartman. Ah oui. Eric Cartman. Eric Cartman. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. C'est Cartman de South Park, c'est lui qui va révéler les familles de France. À mon avis, ça va être chaud ça. Ah ouais. Allez, préparez-vous, 7h06, c'est l'heure des 1 500 €. Vous vous réveillez avec le morning de Difool. Difool. Et eux, ils se réveillent avec ça. Difool. Ouais. Romano. Carriole. Apparemment, le réveil de Cédric ne marche pas. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Default sur Skyrock. Skyrock. Bon, j'espère que votre réveil a bien sonné, ça tombe bien parce qu'on va vous appeler peut-être maintenant pour les 1 500 € avant de vous offrir tout à l'heure à 7h20 votre PS4 Slim, plus votre FIFA le nouveau, plus votre NBA 2K17, le nouveau aussi, tout ça à gagner sur Skyrock. Du son pour se réveiller, 21 Pilots, Mike Lemore, qui a un gros souvenir de Mike Lemore, ouais. Du Drake, du designer à rap US comme on l'aime, et tout de suite, allez, de l'argent comme on l'aime aussi, vos 1 500 € sur Skyrock. Oui. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. C'est Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Ouais. On vous offre 1 500 € toutes les demi-heures. Tu te fous de ma gueule? Mais non, Cartman, toutes les demi-heures. Et attention, c'est sur Skyrock, de l'argent, plein, on en a. C'est pour vous. Et nous allons à Rennes. Allez, les Rennais, les Bretons, c'est parti. C'est Madame Leray. Non, l'arrêt, Romano. Non, c'est le Ray, là. Excuse-moi, il faut parler français sur Skyrock. C'est Pauline le Ray. Autrement, le CSA va s'énerver quand on parle pas français. Déjà qu'on s'appelle Skyrock, ils nous ont dans le pif, mais alors ouais. En plus. Madame le Ray. Le Ray, Pauline. T'es sûr que c'est le Ray, hein? Oui, c'est Pauline. Bonjour, Pauline. Madame, bonjour, Madame le Ray, c'est vous? Oui. Il y a une faute de français hein, dans votre nom. Bon, Pauline, on est en direct à la radio ce matin. On vous a tiré au sort les Leray pour vous offrir 1500 euros. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et on a une question à te poser. On se tutoie, Pauline. Une question à te poser ce matin. On va te demander quelle est ta radio préférée. Skyrock. Et tu viens de gagner, Pauline, comme ça, en ce vendredi matin, pour bien terminer la semaine, à 7h08, 1500 euros, Pauline. Bah ouais, ouais, Pauline. Wow. Bip, bip. Bien joué, Pauline. Eh, cette matinée, t'auras porté chance, Pauline. Ouais, là, pour le coup, je me demandais pourquoi vous m'aviez appelé, mais là... Eh ben, on t'appelle pour les 1500 euros, c'est comme ça que ça marche, tout simplement. Bravo, Pauline, 1500 euros, quand on va à la maison, présente-toi un petit peu, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie, tout ça? J'ai 23 ans, je suis commerciale chez Renault. Très bien, on salue nos amis de Renault, salut les Renault. On salue toutes les Renault qui nous écoutent ce matin, les autoradios Renault. Surtout Rennes, tout le monde, tous ceux qui nous entendent, Rennes, Morpa, tout ça. T'as bien représenté Rennes, t'es la première gagnante de Rennes pour cette nouvelle saison, bravo Pauline. Bravo, merci beaucoup. Je te rassure, enfin je rassure les autres, tu seras pas la dernière. 1500 euros pour toi, tu vas faire quoi avec tes 1500 euros? Là, franchement, vous venez de me réveiller, je sais pas. Je vais investir, non, je vais mettre de côté. Je suis en alternance pendant un an, donc. Oui, donc ça va te servir, t'inquiète. Oui, ouais, 1500 euros qu'on t'envoie à la maison Rennes. On te fait de gros bisous, Pauline. Merci. Et on est content de t'avoir réveillé comme ça, tiens. Bah ouais, moi aussi. Super. Tu quittes pas, Pauline, on prend tes coordonnées, le chèque arrive dans la semaine. Merci beaucoup. Bisous, Pauline. Ciao. Et vous aussi, répondez Skyrock. Dans une demi-heure, on recommence les 1500 euros. C'est toutes les demi-heures, tous les matins dans le morning sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know. It's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time. I'm on my ride. I'm on my ride. I've been thinking too much. Notes sur Skyrock, c'était Ride. Dans un instant, Macklemore, on écoute Canal Dust, ça nous rappelait plein de souvenirs. Il y a du Drake aussi qu'on a prévu ce matin. Et puis votre PS4 Slim qui arrive dans un instant. Morning spécial PS4 Slim jusqu'à 9h. Profitez bien. Alors, avant Info Mytho, on jouera Info Mytho pour la PS4. C'est l'heure d'en trouver notre réveil de star. On vous l'a dit, c'est Eric Cartman. Eric Cartman de South Park qu'on va retrouver. Oui. South Park, Eric Cartman qui sont retrouvés sur des jeux vidéo eux aussi. Ouais, ouais, ouais. Ça s'appelle L'Anal du Destin. C'est ça. C'est le jeu qui va. Magnifique. C'est ça, ouais. C'est le jeu qui va sortir, ouais. L'Anal du Destin. Bonjour. Bonjour Cartman. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Et toi Cartman? Et Cartman et son célèbre. Oh putain, comment ça troule le cul là. Ah, ça troule le cul, ouais. Ah, comment ça troule le cul. Bon, on va prendre le téléphone là. Wi-Fi plus 3G, 64 Go, c'est celui-là. Si tu veux, on prend ce téléphone là, si tu veux. Et on va passer un coup de fil. Les familles de France vont se faire réveiller par Eric Cartman. Moi, j'attends la confrontation depuis tout à l'heure avec impatience. Hein. Ah ouais, on va écouter ça. On va voir comment ça va se passer. C'est à 7h13, c'est dans le réveil de Star sur Skyrock. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. Je sais pas qui vous êtes. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Eh bien, on va appeler Didier. Est-ce que Didier est un fan de South Park? Sans doute. On espère. Est-ce que Didier est un fan de jeux vidéo? C'est possible aussi. On va voir ça tout de suite. La confrontation démarre maintenant. Chez Didier, c'est Cartman qui arrive. Cartman de South Park. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Comment ça va? C'est qui? Eric Cartman. Ouais, bah je connais pas. Oh putain, comment ça troule le cul d'avoir un iPad, hein les mecs? J'en ai rien à foutre, moi, ton iPad. Moi. Tu m'appelles pas sur mon fixe pour... Il est où, ton iPad? Non, j'ai pas d'iPad, tu vas te faire foutre, et puis, moi, c'est tout, tu m'appelles pas pour dire des conneries. C'est clair? Oh, c'est vrai, t'es pas assez cool, t'en as pas. Attends, déjà, et d'une, tu me tutoies pas parce que je te connais pas, donc... Puis-je vous poser une question? Ouais, vas-y. Et vous, ça vous dirait d'aller vous faire mettre? Ben, moi, je t'encule, et profond. Pourquoi? Tu me dis d'aller me faire mettre, moi je t'encule. Tu m'as bien baisé sur ce coup-là. Va te faire voir. Tu pourrais me faire un bisou parce que j'aime bien qu'on m'embrasse avant de me faire baiser. Bon, écoute, tu sais ce que je vais faire là? Je vais appeler les flics. Ouais. Comme ça, je vais lui dire, il y a un numéro inconnu qui m'appelle. Et puis ils vont faire une enquête et puis ils vont tomber dessus. D'accord? Non. Non, ben si, ils vont trouver. Parce que moi, je suis sur écoute, là, de toute façon. Ah. N'importe comment. Oui. Oh non, je ne crois pas. Si. Ah oui, je suis sur écoute, moi. Ah ouais, tu te fous de ma gueule? Trou du cul. Ah, il est content, Didier. Content de sa punchline. Ah ouais. Tu en écoutes, moi. Hein. Content de sa punchline, le Didier. Et retenez bien une autre punchline. Hein. Tu me dis d'aller me faire foutre. Eh bien, moi, je t'encule. Eh ben voilà. Bravo, Didier. Bien joué. Le roi de la punchline ce matin, c'était pas Cartman. Non. C'était Didier. Un grand bravo à Didier. Sacré Didier. Sacré Didier. Bonne chance à vous dans un instant. On joue à Info Mytho et vous gagnez, comme promis, comme toute la matinée sur Skyrock, votre PS4 Slim. Et vos jeux qui vont avec le nouveau FIFA, le nouveau NBA. Juste après Macklemore. Let's go. Let's go. Candle Dust sur Skyrock à 7h15. To the Mac, get on what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Halfway across that city with the back crushing. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go? Okay. said thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock, time to go off, I'm gone. Deuces goodbye, I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer, nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Yeah, and we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Mort sur Skyrock, il est 7h20, c'est l'heure de vous offrir maintenant sur Skyrock votre PS4 Slim, elle est pour vous, vos jeux ils sont pour vous aussi, le nouveau FIFA qui déchire, on en parlait d'ailleurs cette semaine dans les infos avec Rémi, déchire le nouveau FIFA, on l'a pas testé encore, mais on a très envie de le tester, regardez j'ai les mains qui bougent. Ah oui. Et le nouveau NBA 2K17, tout ça à choper sur Skyrock toutes les heures. Dans une heure, tiens je vous l'annonce, on aura DJ Roro qui viendra tester nos connaissances musicales et qui vous offrira lui aussi la PS4 Slim. Il est dans les coulisses, il est en train de brancher ses platines. Ouais, mais tout de suite, notre rendez-vous journalistique du morning. Voici l'info au mytho du jour, avec la petite info que je vais vous donner maintenant. Une info qui concerne Pokémon. Pokémon Go. Vous avez vu Pokémon Go, ça y est, c'est le désamour dans le monde entier. Hein. Il y a un tiers des inscrits qui se sont barrés déjà. Ouais, bah comme tous les jeux. Oh, c'est un beau jeu d'été, Pokémon Go. Bon alors, Pokémon Go, ça vaut le coup. Un joueur de Pokémon Go a découvert par hasard une valise avec, tiens-toi bien Romano, tu vas jouer dès que j'aurais donné l'info, 100 000 euros dedans. Ah ouais, ça va ouais. Et ouais, en petite coupure, 100 000 euros. C'est mieux que d'attraper Pikachu quoi. Caché dans un jardin privé. Ah, pour les fans de Pokémon Go, non Romano. Ah ouais, mais 100 000 euros. Rien ne vaut Pikachu. Hein. Moi je le laisse Pikachu à ce tarif-là. Est-ce que c'est une info ou un mytho que je viens de vous raconter maintenant là? C'est un Allemand. Un joueur de Pokémon Go a découvert par hasard une valise avec 100 000 euros en petite coupure cachée dans un jardin privé. Info ou mytho, si vous pensez que c'est une info, vous envoyez info au 41759 ou sur l'appli Skyrock. Si vous pensez que c'est un mytho, vous envoyez mytho au 41759 ou sur l'appli Skyrock. Vous nous envoyez tout ça, allez-y, profitez. Vous laissez bien votre numéro et je vous donne le top officiel pour envoyer vos messages. Allez-y maintenant, info ou mytho, et vous êtes qualifié pour gagner la PlayStation, la toute nouvelle, la Slim. Elle est à gagner ce matin sur Skyrock, 7h21. DJ Snake. Let me love you. Middle. Talk. Ils sont tous sur son premier album, Encore. DJ Snake, en concert au Zénith de Paris le 25 novembre. Grand volume intérieur, détecteur de fatigue, GPS. Je l'adore. Et totalement connecté. Je crois que je vais vous la prendre. Ah ouais, en revanche, ça va pas être possible. Et pourquoi ça? Parce que je l'ai vu le premier, en fait. Non, mais c'est...

l'histoire du joueur de Pokémon Go en Allemagne qui a découvert par hasard une valise avec 100 000 euros en petites coupures cachée dans un petit jardin privé. Il cherchait Pikachu. Pikachu. Pico Pico. C'est ça, Pika Pika Plus. Et il a trouvé 100 000 euros en petites coupures dans une valise. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux, Souka? Bah moi j'ai mis mytho. Eh ben t'as raison, c'est un mytho malheureusement pour lui hein. Il est tombé tout simplement sur une plantation de cannabis. Et là qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Eh ben il a appelé la police. Oh le con. Il a balancé tout le monde. Voilà, plusieurs plants de cannabis. Le propriétaire de 50 ans est placé en garde à vue grâce au joueur Balance de Pokémon Go. Oh, ouais. Oh la balance, t'as vu? Bon bravo en tout cas Souka, tu es qualifié. Je te présente immédiatement nos deux grands reporters, journalistes d'investigation. Enchanté Souka. C'est Romano. Bonjour. Salut Souka. C'est Carriole. Et c'est parti, Souka, pour toi. Info, faux ou mytho? Qui dit vrai? Qui dit faux? À toi de détecter le mytho. Ouais, attention, mets le détecteur de mytho en place, Souka, attention. Hein. J'écoute. Écoute bien, Romano, pour commencer. Alors, attention, une histoire qui se passe dans le Calvados, juste à côté d'Honfleur. Oui. Un petit village paisible de 1450 habitants, Écquemauville. Oh, Écquemauville, on est à Écquemauville ce matin. Écquemauville. Et là-bas, de 7h à 22h, il y a les cloches de l'église qui sonnent toutes les heures. Donc, par exemple, à midi, ça sonne 12 fois. Tu sais que j'avais une copine qui habitait à côté d'une église. C'est terrible. Ça a tué. Ah ouais, terrible. Et après, toutes les demi-heures, ça sonne aussi une fois. Ils en ont eu marre, non? Oui, alors justement, il y a un couple d'habitants qu'on a eu marre. C'était des cloches électriques. Donc deux fois cet été, ils ont coupé les câbles. Donc des câbles de 380 volts. Un véritable danger pour les passants. Et donc le couple s'est fait choper. Il va passer au tribunal pour dégradation volontaire de biens publics. Info ou mytho? C'est l'info de Romano. Souka, écoute bien Carriole maintenant. Ouais, ça se passe en Espagne. Espagne. C'est un conducteur de train. Si, Espagne. C'est un conducteur de train qui avait des gens qui sortaient du boulot, une centaine de personnes. Et il s'est arrêté sur la voie parce qu'il avait envie de faire ses besoins. Oh, il avait envie de faire caca. Info ou mytho? Donc les mecs sont restés bloqués parce qu'ils faisaient caca. C'est ça, oui. Alors, le conducteur qui fait caca d'un côté, les cloches de l'église et les mecs qui débranchent l'électricité. Ouais, c'est ça, ils ont coupé les cloches. De l'autre, qui dit vrai, qui dit faux, Souka? Alors pour moi, je dis Carriole, mytho et Romano info. Eh ben, tu sais que j'aurais dit exactement la même chose que toi. Eh ben, t'as bien raison parce que c'est gagné. Bravo. Ouais, ouais, merci l'équipe. Pour toi, ce matin, la PlayStation qui sort aujourd'hui, la PlayStation 4, PS4 Slim pour toi. Bravo, aïe, Souka, aïe. Plus le jeu FIFA, le nouveau, plus le NBA 2K17. T'as la totale, mon Souka. Bien joué. Non, il y a un chauffeur de train qui s'est arrêté en plein milieu. Pourquoi, Carriole? Attends. Parce que du coup, j'ai viré ma feuille. Ah oui, parce qu'en fait, son temps de travail avait expiré. Ah bah voilà. Il était l'heure de partir. Il a fini sa journée. Les mecs, il les a laissés en plan. Tous ceux qui étaient dans le train. Moi, je me barre. La journée est finie, les gars. Il les a plantés, ouais. Ils sont arrêtés en plein milieu du trajet. C'est ça. Pas mal. Bon, bah, Souka, PlayStation pour toi. Et puis les jeux. Et puis, il y en aura d'autres à gagner dans moins d'une heure sur Skyrock. On jouera avec DJ Roro à 8h20. Ne loupez pas le rendez-vous. Ouais. Bonne journée, bah, Souka. Salut, Souka. Ciao. Salut, Souka. Ciao. Et bravo. Et ben bravo à toi. Une belle demi-heure, là. On a offert 1500 euros à Rennes il y a une demi-heure chez Pauline. On a offert la PS4 maintenant. Et puis, on a encore 1500 euros dans deux minutes, hein. Le temps d'écouter Drake et les infos de Rémi. Drake, c'est One Dance sur Sky. En direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et oui, c'est nous. Baby, et c'est Drake. I like it so. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Wait. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Le Grand Drake sur Skyrock, c'était One Dance, 7h32. Allez, l'heure des infos et vos 1 500 € juste derrière. Et notre matinée spéciale PS4 Slim continue. On va parler jeux vidéo et les conseils pas chers concernent les jeux vidéo. Comment négocier sur le bon coin? Parce qu'on a chopé des trucs sur le bon coin. Ouais. Tu nous fais de la démonstration. Vous allez pouvoir prendre exemple sur Romano. Si vous voulez être un négociateur averti, prenez conseil auprès du roi des pinces. C'est moi. Auprès du roi des radins. Oui. C'est toujours toi. Ouais, toujours. Ouais. Et on parle de vos jeux vidéo préférés. Vous connaîtrez d'ailleurs les jeux vidéo les plus vendus dans 10 minutes. Ouais. Les plus vendus sur PS4. Vous saurez tout. Dites-nous d'ailleurs quel est votre jeu vidéo préféré. On en parlait tout à l'heure à 6h du matin en démarrant le morning. Bon, Romano déteste le bowling depuis que je l'ai battu au bowling, mais adore toujours les lapins crétins. Oui, il est là. Ouais, quoi, moins qu'avant, mais oui. Ah, il se lasse un peu. Non, sinon, il y a une époque, je jouais à fond, c'était aux Sims. Ah, les Sims. Ah, ouais. Ah, mais ça, c'est. Addictif en fait. Ouais, parce que tu construis ta vie et il était riche dans le jeu. Oui, ouais, c'est non, mais ça, ouais. Non, mais en plus, j'arrêtais pas, mais je passais mes journées dessus, donc un jour j'ai dit stop. Ouais, vous voulez gagner plein de sous sur les Sims, on s'est rendu compte que c'était pas du vrai argent. Malheureusement. Et ouais, malheureusement. Bon, vos jeux vidéo préférés, vous pouvez nous dire, et puis vous verrez si c'est les mêmes que ceux qui ont été le plus vendus depuis la création de la PlayStation 4. PS4 Slim a gagné tout à l'heure. Et notre rendez-vous avec Rémi, c'est maintenant. Juste après, il y a vos 1 500 € à gagner. On va démarrer par la météo, Rémi, pour faire le point sur le temps du jour qui est pas super super beau. Bah, c'est assez clair ce matin quasiment partout, mais par contre c'est vrai que ça va très vite se détériorer et finalement la journée sera pluvieuse, hein. Les averses vont concerner tout le pays, on aura même des orages principalement dans le sud-est. La pluie sera toujours au rendez-vous demain samedi, excepté le long des côtes atlantiques et de la Manche, et puis ça ira un petit peu mieux dimanche, même si on aura encore de la pluie en Île-de-France et sur une large moitié est. Les températures comprises ce matin entre 10 et 19 degrés, 15 à Paris, de 17 à 25 cet après-midi, et puis la pollution c'est plutôt bon. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur l'île Nîmes-Cannes. On fait le tour de l'actu tout de suite, l'actu et le sport pour tout savoir. C'est avec Rémi avant 1 500 €. La sortie des iPhone 7 et 7 Plus aujourd'hui, on en a largement parlé, donc les petites piqûres de rappel, la capacité minimale 32 Go, plus de prise jack pour le casque, possibilité de mettre le téléphone sous l'eau pendant 30 minutes et capteur photo largement amélioré pour le prix. Eh ben, il faut au minimum débourser plus de 760 €. Enfin, pas besoin de faire la queue devant les Apple Store ce matin, les stocks sont limités, seuls ceux qui ont commandé le téléphone pourront repartir avec. Ouais, attendez qu'on vous l'offre sur Skyrock, chez nous c'est gratuit, hein, c'est pas 700 et quelques euros. Hein. Ah ouais, voilà, ouais, gratos. Skyrock, la radio qui vous file le plus d'iPhone 7. La suite de l'actu. Un campement de migrants en cours d'évacuation dans le 19e arrondissement de Paris à Stalingrad. Il avait déjà été évacué en août dernier, 700 migrants avaient été pris en charge dans des centres d'hébergement, ils sont le double aujourd'hui. La crise migratoire élancera question lors du sommet européen, les dirigeants de l'Union Européenne se réunissent à Bratislava en Slovaquie, l'Italie et la Grèce demandent plus de coopération de leurs partenaires et les pays de l'Europe centrale rechignent à accueillir des migrants. Il sera aussi question de reconstruction de l'Union après le Brexit. Les condamnations qui sont tombées cette nuit dans l'affaire de la bagarre de Cisco, les 5 prévenus écopent de 6 mois avec sursis à 2 ans de prison ferme. La bagarre a opposé en août dernier des Corses originaires de la commune. À l'origine d'ailleurs, une famille d'origine marocaine qui aurait tenté de s'approprier un bout de plage. S'en sont suivies des insultes, des jets de pierre, des coups aussi. Le camp des villageois était composé d'une centaine de personnes. Une Autrichienne de 18 ans qui attaque ses parents en justice. La raison, elle estime qu'ils ont violé sa vie privée sur Facebook. Ils ont posté plus de 500 photos d'elle enfant, ce qui ne semble pas lui avoir fait très plaisir. Elle a découvert le poteau rose il y a 4 ans quand elle s'est inscrite à son tour sur le réseau social. La plaignante a désormais déménagé et demande une compensation financière et une obligation de retirer toutes ses photos. Allez, on parle football. La Ligue 1, c'est ce soir, mais la Ligue Europa, c'était hier soir. Les résultats, tout de suite, Saint-Etienne et Nice. Et avec une soirée en demi-teinte pour les clubs français, Nice s'est réveillé mais tardivement contre Schalke 04. Du coup, défaite 1-0 et puis Saint-Etienne concède le nul contre Mayence, 1 but partout, c'est pas si mal. Les Verts qui repartent donc avec un point. L'ouverture ce soir de la 5e journée de Ligue 1, Caen reçoit Paris à 20h45. Une nouvelle fois, Unai Emery a décidé de laisser Ben Arfa à la maison. Ils ont pris l'avion hier soir, les Parisiens, l'avion pour aller à Caen, une demi-heure d'avion, enfin bref. Mais Atem Ben Arfa, lui, ben, il est carrément resté chez lui. Il est même pas convié en Normandie. Donc voilà, il a expliqué Unai Emery, il lui demande plus d'efforts en match à l'entraînement. Pour lui demander plus d'efforts en match, il faut encore le laisser. difficile de jouer. C'est ce que j'allais dire, oui, ça va être compliqué pour ce soir en tout cas. Cette nouvelle médaille, rien que pour la journée d'hier, dont deux en or aux Jeux Paralympiques de Rio en tennis. La paire Stéphanou Danikola Pfeffer s'est imposée en finale du double masculin. L'autre titre est à mettre au crédit de l'équipe d'épée masculine composée de Romain Noble, Robert Citerne et Yannick Ifebe. La France compte désormais 23 médailles et pointe à la 17e place du classement des nations. Eh bien, allez les Bleus et à tout à l'heure Rémi, on te retrouve à 8h pour la suite, 7h37. En direct de l'appart, c'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Le morning qui vous file la PS4 Slim ce matin, le morning qui vous offre aussi 1 500 € toutes les demi-heures et le morning qui vous file également l'iPhone 7. C'est la folie. Merci de vous réveiller avec nous tous les matins sur Sky. Oui. Bonjour à Natacha du 63 qui adore FIFA. Eh, il y a des fans de FIFA mais dans tous les sens. Hein. On a des fans de FIFA, des fans de Call of. Call of a gros succès aussi dans les messages que vous nous laissez. Hein. League of Legends. Vive Timo, nous dit Walker 92. On vous a demandé quels sont vos jeux vidéo préférés. GTA, dit Full. Mais il me faut la PS4. Elle sera à gagner tout à l'heure, Abdel. Abdel Berger des Ardennes. Salut, Abdel. Bon, vos jeux vidéo préférés, vous allez savoir dans un instant. S'ils font partie des jeux les plus vendus sur PS4, ouais. J'ai du Battlefield, j'ai encore du FIFA, j'ai du Uncharted pour Eleona. Salut, Eleona. Uncharted, tu aimes bien Uncharted, Uncharted aussi. Uncharted, yeah. GTA 5, Minecraft. Moi, je veux 1 500 €. Bon, allez, on va y aller tout de suite. Et Romano, pour tes conseils pas chers de ce matin, j'en parlais, mais dis... Je vais négocier du jeu vidéo. Dis à tous ceux qui viennent de se réveiller, toutes celles qui viennent de se réveiller, ils négocient. Les jeux vidéo, c'est cher. Eh bien, je vais faire baisser les prix ce matin. Tu nous montres comment négocier, comment faire baisser les prix. Je vais faire des soldes, mais avant l'heure. Ok, mais des soldes pour toi. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, on s'en occupe, mais d'abord, on vous offre de l'argent. C'est tombé il y a une demi-heure chez Pauline, à Rennes. Ça va peut-être tomber chez vous, il suffit de répondre Skyrock pour gagner. Mode d'emploi pour choper 1 500 €. Bonjour, c'est qui? Tu fous le tapel? Ouais, c'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Skyrock. Tu gagnes, tu gagnes. Et on va appeler qui? Je vous dis ça tout de suite. Allez. On va dans le 21 ce matin. Ah, la Côte d'Or. La Côte d'Or, on va en Bourgogne. On va où dans le 21? On va à Quetigny. À côté de Dijon. À côté de Dijon. Allez, c'est parti chez la famille. Alors attendez, j'ai un problème parce que c'est Thomas Damien. Alors je sais pas si son prénom c'est Thomas ou Damien. Et si son nom c'est Thomas. Allô. Ou Damien. Bonjour Madame Thomas Damien. Allô. Oui Madame Thomas. Oui. Ah c'est Madame Thomas. Ouais. Nous c'est la radio Madame Thomas. On est en direct à la radio. On vous appelle ce matin parce qu'on vous a tiré au sort et on vous appelle pour vous offrir 1 500 € Madame Thomas. Voilà. Voilà. Allez. J'ai l'impression que... La bourguignole est sympathique. L'impression qu'elle a raccroché, non? Je me trompe oui, ou oui, pas? Oui, elle se barrait. Oui. Ah, elle a raccroché. Sans dire au revoir. Genre discrètement, elle fait chier celui-là. Sans dire bonjour non, non plus. Oui, oui, oui. Bon, de toute façon, elle, je le sens, elle ne se réveille pas avec nous pour être dans cet état le matin, c'est pas possible. Désolé pour Quetigny dans le 21. Dommage. Si vous connaissez la famille Thomas, vous dites, bah, vous leur dites merci pour leur accueil, c'était sympa. Ouais. Et puis vous leur dites... Allez les voir et vous vous envoyez chier. Voilà, vous leur expliquez qu'on les a appelés pour les 1 500 €, donc c'est loupé pour eux. Hein. Ah oui, c'est raté. Bon, ça sera peut-être réussi pour vous dans une demi-heure. On vous appelle, vous répondez Skyrock et c'est 1 500 € dans la poche. Tiens, d'ailleurs, on va faire un truc. Inscrivez-vous maintenant au 7-20-20. Vous envoyez 1 500 et à 8h30, on tirera au sort parmi ceux qui sont inscrits ce matin ou hier. Ouais. D'accord. Allez, on va faire ça, on n'a jamais fait. Vous envoyez 1 500 au 7-20-20 et à 8h30, on tire au sort parmi tous les numéros que vous nous avez laissés entre maintenant et 8h30. Et même ceux qui ont laissé des messages hier ou cette nuit, ça marche. Ok. Allez, bonne chance à vous. C'est parti. 1 500 au 7-20-20. Et dans un instant, Romano, le grand négociateur, il arrive. Oui. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. I got broads in the Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you ban it. Hope you killers understand it. I got broads in the Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the looks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your banner. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, chasing the meanest shit, sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up beside you, let it sign. Over to Lattice shoot, they be anti rent, I know we clavish shoot. I be pulling that stuff in the Fanta shoot. I got plenty just stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black assist, Phantom, why is he killing no comma? Pop a perk, I got stand a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the Fanta, no nigga, they come and kill you on the comma. But Rolly is dancing bigger than the panda, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, just count for digits. Say you make you a lot of new money. No killers pull off in the inner baby. CTDD pull off in the killer baby. Call a filler, fill up on filler baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning. The Bobby be trending. Chop the dawn, doing business. In the rave, doing the fool, and I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are bleeding. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner. Legacies, family. Why is he lit like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacies, family. Why is he panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your banner. Sur Skyrock, Panda, une découverte Sky. J'adore ce morceau, Designer. Parce qu'il y a deux I, Designer et Panda. À 7h43, le morning qui a le sourire tous les matins. C'est doux. Et dans un instant, les conseils pas chers. Romano aura le sourire s'il réussit ses conseils pas chers. Parce que pour l'instant, il ne sourit pas du tout. Il a un smile à l'envers, il est tendu, il se concentre. Non, j'étais en train de regarder le journal un peu. Oui, je vois, tu cherches des infos pour escroquer les gens. Tous les matins, il part à la recherche d'infos. Il en a trouvé une ce matin. Ouais, les jeux vidéo les plus vendus sur PS4. Ouais. Et ce matin, négociation sur le bon coin. Ouais. Parce que c'est trop cher. On va vous montrer comment négocier là. Enfin, il va vous montrer comment négocier. C'est le meilleur négociateur du monde. C'est trop cher. Vos jeux vidéo préférés, GTA. Vos jeux vidéo préférés, FIFA. Putain, FIFA, un succès de ouf. Jeux vidéo préférés, encore GTA. Regardez les messages qui défilent. Ça défile depuis tout à l'heure. Et du Call of aussi. J'ai plein de Call of. J'ai du wow. Wow. Wow. Et alors, quel est le jeu le plus vendu depuis la naissance de la PlayStation 4? Le jeu le plus vendu sur PS4. Romano, dis-nous tout. Eh bien, c'est Call of Duty Black Ops 3. Eh ben, j'en ai plein des Call of aussi. Plein parmi vos messages. Combien ils en ont vendu des Call of? 13,92 millions. Pas mal. Pas mal. Le deuxième, Grand Theft Auto 5. Ah oui, tiens. 11,70 millions. Vous l'avez cité, GTA, il est dedans. 11 millions, pratiquement 12 millions de GTA. Voilà, troisième, FIFA 16. Ah putain, je pensais que FIFA était devant, moi, vous voyez. 8,39 millions. C'est pas mal non plus, FIFA 16. Ah ouais, bah si tu cumules tous les FIFA, FIFA arrive premier. Ouais. Star Wars Battlefront. Battlefront de Star Wars. C'est quatrième, 7,61 millions. Ça, et cinquième. Ça, j'ai pas joué, ça. Call of Duty Advanced Warfare. Ça, j'y joue tous les soirs. J'adore me faire une petite partie de Call of. 7,60 millions. Ouais, la nuit après la radio libre, je rentre chez moi, je me fais une partie de Call of et après j'arrive pour le morning. Et voilà, nickel. Parfait. Bon, ça c'est les jeux les plus vendus sur PS4. Bon, derrière il y a Fallout 4, FIFA 15, Destiny, The Last of Us, Uncharted, Watch Dog, Far Cry 4, Minecraft, Assassin's Creed Unity, Uncharted 4, Tiff's End. Ok, Romano. Yeah. Pas de problème. Ok, let's go. Bon, notre matinée spéciale PS4 Slim continue. Avant de vous l'offrir tout à l'heure, voici les conseils pas chers. Apple a vendu 1 milliard d'iPhone. Romano, lui, il a déjà carotté les gens 1 milliard de fois. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Alors, les conseils pas chers de ce matin. Négociation, c'est parti. On va chez qui? Allez, on va chez un mec qui vend Call of Duty Ghost. Ah, il vend Call of. Combien il le vend? Il le vend 6 euros. 6 euros, Romano, c'est trop cher. Bon, on va le faire gratuit. Hein. Ouais. On va pas s'emmerder. Ça sonne des choses. En plus, c'est un vieux. Laisse tomber, quoi. De toute façon, 6 euros ou rien. Hein. Ouais, autant que ça soit rien. Autant que ça soit rien. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi, Romano. Si le mec est pas dans la région, les frais de port seront assez frais, bien sûr. Mais évidemment. Les frais de port. Oui. D'ailleurs, un petit bisou à Cédric. Hein. Allô? Salut à toi, Cédric. Non, excuse-moi. Anaïs. N'est pas Anaïs. Disponible pour le moment. C'est dommage. Merci de laisser un message après le bip. Tu auras pas le jeu d'Anaïs, je suis désolé, Romano. En plus, gratuit, je suis déçu. Ouais, déçu. Alors, qui est-ce? Non, on appelle un mec qui vend FIFA 16. FIFA 16. Combien qu'il vend? Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle pour le FIFA 16. Oui. Il est toujours disponible? Oui, toujours. Il a combien sur internet? Il a 15 euros. 15 euros, vous pouvez pas me le lâcher à 5? C'est une blague ou... Ah non, bah pas du tout. Bah, de toute façon, vous le vendez, vous en servez plus. Il est à 20 euros à Micromania, donc je l'ai mis à 15 pour le vendre direct, donc je vais pas le mettre à 5. Allez, 5 euros. 1, 2, 3, 4. 5. Allez, 5 euros, on n'en parle plus. 5 euros. Sur le, c'est marqué sur le sur internet, c'est marqué non négociable, donc je vais pas négocier par téléphone. Ah, moi j'ai pas vu, c'est 5 euros, moi, 5 euros ou rien, mec. Eh bah rien du tout. T'es bonne pas... journée. Ah bah tu le vendras pas ton jeu. C'est pas grave. Propose une petite gâterie, il te fait un petit câlin en plus. 5 euros une pipe. Oh. Allez, ils vont pas faire pour un jeu. N'importe quoi. Allez, on négocie, Cariole, on négocie. Qu'est-ce que je te dis? 5 euros une pipe. Ah, bah la pipe, ça l'a dégoûté. Ça a dégoûté. Non, on va chez un mec qui vend FIFA pareil aussi, le vend 20 euros. 20 euros. De mieux en mieux. Bah, décidément, lui, il fait encore plus cher. Ah ouais, non, bah il se croit à vous le mec. C'est dingue ça, hein. Je vais lui dire, mais tu te crois où avec non, mais tu m'as pris pour un gogo. Tu m'as pris pour un riche. T'en as un autre derrière s'il lui répond pas. J'appelle en même temps, en gros. Oh waouh, c'est la folie. Et le. Ça sera pour quel jeu? Ça sera pour NBA 2K16. Ouais, mais nous on a déjà le 2K17. Allô, à vous filer. Allô NBA. Allô. Allô. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelais pour le jeu NBA 2K16. Oui. Il est toujours disponible? Oui, toujours disponible. Il a combien? Vous pouvez parler plus fort dans le téléphone, monsieur, j'entends rien du tout. Il a 20 euros. 20 euros? Bah, vu qu'il y a le nouveau qui est sorti, là, qui va sortir, là, NBA 2K17. Mmh. Celui-là, je le prends à 2 euros. Bah, vous le prendrez à quelqu'un. Voilà. 2 euros et une pipe. Oh non! 3 euros et un doigt dans le cul. Oh on négocie, Cariole. On négocie. Oh, non, non, oui. Cariole, tu nous as fait foirer notre conseil. Les gens sont complètement fermés, quoi. Oui, et puis Cariole, en plus, elle met de la mauvaise volonté. Romano, demande-lui des sous, elle t'a fait foirer ton conseil. Non, mais c'est clair, il va y avoir des dommages et intérêts. Ah, bah tu. N'importe quoi. Bah attends, mais le mec, je négocie. Dans un instant. Pour un NBA, une petite pipe, bah, ça ouais, vaut le coup. En plus, c'est celui d'année dernière. Alors qu'il nous voit gagner. Périmé. Ouais, il a gagné gratos sur Skyrock. J'ai bien gentil de lui prendre à ce prix-là. C'est vrai. C'est vrai. Bon, eh bien, si un jour quelqu'un veut négocier, faites gaffe. Si vous avez passé une annonce sur le bon coin, par exemple, c'est peut-être Romano qui vous appelle. Ouais, possible, ouais. Les conseils pas chers sont de retour dans moins d'une heure sur Skyrock. Et dans un instant, on va découvrir, allez, on peut l'appeler notre loser du jour. C'est un footballeur qui essaye peut-être une nouvelle carrière. Mais il va falloir qu'il arrête. Hein. Le footballeur du jour, c'est notre loser du jour à découvrir sur Skyrock. Le temps d'écouter, eh bien, Pitbull et Florida. Et puis l'horoscope, juste avant l'horoscope, il arrive dans moins d'une minute sur Sky. Sephora. Vous rêvez d'un teint sans défaut comme au cinéma? Makeup Forever a créé la gamme Ultra HD. Fond de teint, anti-cerne et maintenant un stick pour une couvrance encore plus invisible. Une gamme pro, des plateaux de tournage à votre salle de bain. Et en ce moment, dès l'achat de deux produits Makeup Forever, un mini rouge à lèvres artiste rouge vous est offert chez Sephora. Jusqu'au 30 septembre dans la limite des stocks disponibles. Makeup Forever, en exclusivité chez Sephora et Makeup Forever. Sephora, au cœur de la beauté. Ça, c'est un bon plan. Le Saint-Félicien Tradition, un fromage. Du 14 au 16 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est le Saint-Félicien de 180 grammes, 27% de matière grasse au lait de vache thermisé et fabriqué en France à 1,85€, soit 10,28€ le kilo. Un Saint-Félicien comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Une rentrée cool pour Darty, c'est accéder à toute l'innovation sur sa box internet avec une assistance de jour comme de nuit. Et si en plus on est récompensé, il n'y a pas plus cool comme rentrée. Du 17 août au 24 septembre chez Darty, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec Android TV et tous les services exclusifs Darty inclus est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. En plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable jusqu'au 15 avril 2017 dans les magasins Darty hors Darty.com. Et l'horoscope, c'est parti sur Skyrock à 7h50, horoscope de l'amour. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et vos puissances amoureuses sur une échelle de 0 à 5. On commence par les meilleurs du jour, les Verseaux et les Gémeaux. La semaine se termine sur les chapeaux de roue pour vous. Vous serez en pole position pour séduire aujourd'hui et faire plaisir. Les Verseaux, les Gémeaux, 5. 4 sur 5, les Béliers, les Scorpions. Béliers, Scorpions, tout le monde va venir vers vous aujourd'hui. Ouais. Profitez-en pour serrer si vous êtes célibataire et pour vous amuser avec vos amis, vos potes. Si c'est pas le cas, les Béliers, les Scorpions, c'est 4. 3 sur 5, les Vierges et les Taureaux. Vous serez en phase avec votre entourage. C'est donc une belle belle journée, un beau vendredi qui vous attend. 2 sur 5, les cancers et les lions. Oui. N'oubliez pas, même si vous êtes fatigué et énervé en ce vendredi, le pouvoir d'un sourire, c'est le meilleur moyen de séduire, la meilleure arme de séduction. Les poissons et les balances, vous avez 1 sur 5. Attention à ce que vous envoyez sur les réseaux sociaux ou même ce que vous envoyez par SMS aujourd'hui, ça peut vous poser 2-3 problèmes. Au moins, vous êtes prévenus. Et les sagittaires, les capricornes, on a 0 carriole aujourd'hui. Il y a 0. Les couples, évitez les sujets qui fâchent aujourd'hui, ça risque de partir en couille. Et si vous êtes célibataire, la peur de l'engagement aujourd'hui pourrait vous bloquer, vous n'avez pas envie de vous engager. Allez-y par étapes, à votre rythme, ça ira mieux comme ça. L'horoscope, c'est géré. Dans un instant, notre loser du jour, il arrive. Ouais. Footballeur, un des plus riches du monde, un des meilleurs du monde. Bon, il essaye de se recycler, je pense qu'il est mieux dans le football. Ah. Vous me direz ce que vous en pensez, on en reparle juste après Pitbull et Florida sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Green light, everybody take a shot. Red light, Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. That means that we can do anything, anything that you dream. I wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. I'm ready, pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I ask for, I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Serena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out. C'était le son de Pitbull avec Florida sur ce morceau à 7h55. Et là, c'est l'heure de notre loser du jour sur Skyrock, le loser du jour. Un footballeur qui essaye peut-être de se recycler. On avait déjà eu notre ami Cristiano Ronaldo qui nous chantait un maximum de chansons magnifiques. Ah ouais, ouais. Et bien là, on a trouvé peut-être plus fort. On découvre ça tout de suite, le loser du jour. C'est un footballeur. Le loser du jour. Le loser du jour. Oui, continue à jouer au football, c'est le message qu'on voulait lui passer ce matin. Voici donc le footballeur du jour, écoutez bien, je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Il chante et il joue du piano en même temps. Aïe, aïe, aïe, chante juste. Voilà. Oula. C'est Neymar. Bien joué, Mamato. Ouais. Le loser du jour, c'est Neymar. Neymar lui-même et son piano. Mais qu'est-ce qu'il joue bien du piano, ah, Neymar. C'est magnifique. Et qu'est-ce qu'il chante bien, surtout. Oui, quelle est belle, la chanson. Magnifique. Une autre.

parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en jaillis. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Et pas. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. J'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. C'est le morning de Default sur Skyrock. Eh oui, c'est nous en direct et une belle journée qui démarre. Enfin, une belle journée au niveau de la météo, ça peut être super. Bon, on va faire le point avec Rémi là dans un instant. Mais une belle journée qui a démarré avec vos PS4 à gagner, la PS4 Slim, morning spécial PS4 Slim avec DJ Roro tout à l'heure. Ouais, il arrive. Hein. DJ Roro est là et il nous a pas quitté en cette nouvelle saison. Par contre, nouveau rendez-vous à ne pas louper. Tout à l'heure à 8h40, les conseils pas chers. Et ce matin, tu vas profiter des jeux vidéo pour gagner des sous ce matin, Romano. J'espère. Je vais aller faire un tour chez les commerçants. Ouais. 8h40, c'est nouveau, c'est la compile du jour. Ce sera 8h50 et on parlera des galériens de jeux vidéo. Et puis notre réveil de star, nouveau aussi à 8h10, le réveil de star à retrouver. Et ce matin, ah ouais, ce matin on rigole bien, c'est Cartman qui réveille les familles de France. De South Park. Avec ouais. Sa super voix sensuelle. Bonjour. Bonjour Cartman. Comment ça va? Ça va bien, tu es bien. Eric, hein, Eric Cartman. Hein. Eric Cartman. Ah, c'est bien toi, c'est bien. Parfait. Toi. Ça nous fait plaisir, on va te retrouver dans un instant, tu vas appeler les familles de France. Tu te fous de ma gueule? Non. Non, c'est comme ça sur Skyrock, ça se passe tous les matins là. Bon, on est prêt pour la suite et vous êtes prêts pour les 1500 euros. Juste après les infos, on vous appelle Rémi, les infos et les 1500 euros. Si vous répondez Skyrock, bisous à Pauline, elle a gagné à Rennes tout à l'heure. Bisous Pauline. Bisous. Faites comme elle, répondez Sky et c'est dans la poche. La météo du jour. Et une journée pluvieuse pour presque tout le monde, même si le temps est assez clair ce matin, vous le constatez. Les averses concerneront finalement tout le pays. On aura même des orages, principalement dans le sud-est, près de la Méditerranée. La pluie sera toujours bien présente demain samedi, excepté le long des côtes atlantiques et de la Manche. Et puis ça ira un peu mieux dimanche, même si on aura encore de la pluie en région parisienne et sur une large moitié est. Les températures pour ce matin entre 10 et 19 degrés, avec 15 à Paris. Il fera de 17 à 25 cet après-midi. Et puis la pollution, on respire bien. Les indices compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 tout de même sur Lille, Nîmes et Cannes. Et pour être au courant de tout, c'est maintenant l'actu et le sport sur Skyrock. Les manifestations anti-loi travail émaillées d'incidents hier dehors ont éclaté à Paris, Nantes, Rennes, Rouen, Grenoble, Toulouse et Montpellier. 15 policiers ont été blessés, dont 2 grièvement. Ils ont été hospitalisés. 62 personnes interpellées, 32 placées en garde à vue. Au final, cette 14e et probable dernière mobilisation a été plutôt bien suivi. 78 000 manifestants ont défilé un peu partout selon les autorités, alors que les syndicats en annoncent 100 000 de plus. Plus de peur que de mal hier après-midi à Aix-en-Provence. Un TER et un camion sont entrés en collision. Le train relié Marseille à Briançon. Des dizaines de pompiers se sont rendus sur place. Le bilan aurait pu être assez lourd mais ne fait état que de quelques blessés légers. Pokémon Go qui semble avoir du plomb dans l'aile. Certains parlent d'un jeu de l'été un petit peu comme les tubes là, qui nous font danser en vacances. L'application qui comptait 45 millions d'utilisateurs en juillet en On a perdu 12 millions rien qu'au mois d'août. Tout est en baisse, hein, des téléchargements au temps passé sur l'appli. Le développeur réfléchit à un moyen de relancer l'intérêt du public. Donc, pour les fans qui jouent encore, eh bien, vous pouvez vous attendre à des nouveautés très prochainement. C'était prévu, ça n'a pas loupé. Les États-Unis rappellent 1 million de Samsung Note 7. L'appareil présente de gros risques d'explosion au niveau de la batterie. Cela concerne les téléphones qui ont été achetés avant hier. Plus de 90 incidents ont déjà été répertoriés sur le territoire américain. On a vu les photos, c'est impressionnant. Les téléphones, carrément, ils font. Hein. Oui, évitez de le mettre dans vos poches de devant, les garçons et les filles. Hein. Oui, je vous le dis, oui. ça peut être dangereux. Pour l'appareil génital, par exemple. Par exemple, oui. Voilà, un gros coup dur, en tout cas, pour les géants sud-coréens, à qui l'incident va coûter, vous l'imaginez, des millions et des millions de dollars. Certaines compagnies aériennes ont d'ores et déjà interdit aux passagers d'embarquer avec un Note 7. On va faire le point sur le foot maintenant, puis on parlera aussi de tennis. Ouais, la Ligue Europa, pour commencer, avec une soirée moyenne pour les clubs français. Nice s'est incliné contre Schalke 04, 1-0. Et Saint-Etienne arrache le nul contre Mayence, un but partout. L'ouverture ce soir de la 5e journée de Ligue 1. Quand on reçoit Paris à 20h45, ce sera sans Atem Ben Arfa, qui n'a pas eu le droit de se déplacer en Normandie. Il est resté à la maison. Kurzawa et Aurier, légèrement blessés, sont eux aussi absents. Oui, non, finalement oui. Bref, les discussions ont finalement repris hier concernant Emmanuel Adebayor. Le Togolais et Lyon sont finalement tombés d'accord. L'attaquant doit passer sa visite médicale et s'engagera à l'OL jusqu'à la fin de la saison. Et puis du tennis avec la demi-finale de la Coupe Davis. Les Français sont ce week-end en Croatie. Ce sera sans Tsonga et sans mon fils qui ont déclaré forfait. Merci Rémi pour les infos. Le prochain rendez-vous, c'est dans une demi-heure. Et là, c'est l'heure de vous offrir 1500 euros à gagner, évidemment, sur Skyrock. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Et oui, le morning qui vous réveille tous les matins, c'est sur Sky. Bonne journée, bon réveil et bonne chance pour les 1500 euros à gagner. Allez, tout de suite, on perd pas de temps. Il est 8h08. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Localisation du gagnant des 1500 euros. Allez, 1500 euros, on ouvre l'enveloppe et on fera un petit truc pour 8h30. Je vous en reparle dans un instant. 1500 euros à choper avant d'en trouver notre réveil de star avec le magnifique Cartman. Ouais. Alors, où est-ce qu'on va ce matin? Alors, localisation à Chambéry, chez Nicolas Feto. Nicolas Feto, eh ben, j'espère qu'il se lève tôt, surtout Nicolas, et qu'il va répondre Skyrock pour gagner 1500 euros. Bonne chance, Nico. Il y a une heure, ça tombait chez Popo, Pauline. Ouais. Gros bisous, Pauline. Nicolas est demandé. Ouais, 5 sonneries pour Nicolas. Attention. Allez, Nico. Localisation effectuée. Allez, le Savoyard. On est en pleine Savoie. Bonjour, vous êtes bien chez Morgane et Adeline. Laissez votre message, nous vous rappellerons. Au revoir. Bon, Nico, ils l'ont foutu dehors. Les Morgane et Adeline, elles sont restées toutes seules à la maison et hop, Nico, il est plus là. Ouais, c'est comme dans Secret Story, c'est fait éliminer de la maison. Voilà, éliminé de la maison, Nicolas. Ouais, terminé, ouais. Désolé, hein, ce sera pour le prochain coup, hein, pour Nicolas. Et oui, il faut répondre. Vous pouvez même laisser Skyrock sur le répondeur, ça marche. Ouais. Ah, et le petit truc dont je vous parlais, tout à l'heure, on va faire tirage au sort parmi ceux et celles qui sont inscrits et inscrites au 7-20-20. Vous envoyez 1500 au 7-20-20, vous le savez. Oui. Et on vous tire au sort. Et tout à l'heure, on fera un tirage au sort sur le 7-20-20. Un tirage au sort peut-être avec les messages que vous nous envoyez maintenant. Allez-y, 7-20-20, vous envoyez 1500. Et tout à l'heure, à 8h30, je croise les doigts, mais on devrait avoir un gagnant, hein, tout à l'heure. Ouais, normalement, et c'est bon. Ça sera encore un chèque pour vous. Skyrock et ses 1500 euros dans la poche. Et là, c'est DJ Snake avec Justin Bieber pour se réveiller. Le gros son de Skyrock et notre matinée spéciale. PS4 Slim, elle continue jusqu'à 9h. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away. Never let you go, never let me down. me love you sur Skyrock. C'était Justin Bieber sur le son de DJ Snake, extrait de l'album de DJ Snake sur Sky. Encore 8h13. Encore, ouais. Ouais, c'est le nom de l'album. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais. Encore du bon son sur Sky dans un instant. Ah là là, c'est bon ça. Eminem, Rihanna avec The Monster. On va faire une petite dédicace à Cédric d'ailleurs. C'est un de ses morceaux préférés parce que le morceau a été écrit par Eminem quand il était venu dans la radio libre. Il était venu nous voir, il avait vu Cédric. Il s'était installé, s'était assis dans le bureau comme ça à Sky et on le voyait écrire. Je lui demande, mais ouais, qu'est-ce que tu fais Slim Shady, qu'est-ce que tu fais man? Il m'avait fait Hi Default. I wrote a song on about Cédric. Ah ouais. Et je lui ai dit c'est super ça, comment tu l'appelles? The Monster. Et bien voici le morceau qui arrive dans un instant, The Monster avec Rihanna et Eminem. C'est sur Sky, mais tout de suite il arrive, il est là, c'est Eric Cartman. Salut Eric Cartman. Bonjour, on y va, le réveil de star. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Eric Cartman qui part à l'assaut des Français ce matin. Le grand Eric Cartman, moi je l'aime bien. Tu te fous de ma gueule? Enfin, il est grand, il est tout petit en fait. Ouais, c'est une boule. Il est tout petit, une petite boule. Bon, Eric Cartman, on va prendre ce numéro de téléphone là. On va le mettre en contact avec Eric Cartman. C'est évidemment ce qu'on a fait ce matin. Et alors là, c'est la famille de Stéphane qui va être réveillée par Cartman. Cartman de South Park. Ouais. Vous savez, Cartman qui dit plein de gros mots tout le temps. Ouais. Ouais. Qui arrête pas de dire ça me trouve le cul. Oui. Oui. C'est Cartman. Allô? Bonjour. Vous êtes qui? Comment ça va? Attendez, vous êtes qui? Eric Cartman. Eric Chapman? Cartman. Oui, et vous voulez quoi? Oh putain, comment ça trouve le cul d'avoir un iPad, hein les mecs? Pardon? Il est où ton iPad? D'abord on se tutoie pas et j'ai pas d'iPad. Oh c'est vrai, t'es pas assez cool, t'en as pas. Je t'emmerde moi. Tu te fous de ma gueule? Attends. Mais attends, tu me téléphones chez moi pour avoir un iPad, tu me connais pas, non mais c'est quoi ces affaires là? Wi-Fi plus 3G, 64 gigas, c'est celui-là! Qu'est-ce que j'en ai à foutre, je m'en fous moi! Putain, tout le monde le sait, ce qui est pas Apple, c'est de la pure merde! Mais qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Puis-je vous poser une question? Bien sûr! Et vous, ça vous dirait d'aller vous faire mettre? Mais va te faire mettre toi-même, espèce de con, va! Allez, voyons ce que t'as dans le pantalon! Eh ben écoute, c'est pas grave, mon petit père! Tu sais ce que je vais faire, moi? Laissez-moi deviner, je me suis encore foutu dans la merde! Eh ben, je vais aller à la gendarmerie! Oh putain, le bordel de merde! Je vais te reconnaître, je vais te trouver, mon petit père! Je vais te retrouver, t'inquiète pas! Qu'est-ce qu'il veut? Mais il sait pas ce qu'il veut avec un iPad, c'est un sale con qui veut me faire chier! Mais c'est pas grave! Mais continue, mon petit père! Continue, je vais avoir ton numéro de toute façon par Orange! Oh merde! Je vais avoir ton numéro! Tu m'as bien baisé sur ce coup-là! Allez, arrête ton char. T'es qu'un sale con. Mais de toute façon, t'es qu'un sale con. Mais t'inquiète pas, j'aurai ton numéro. Est-ce que tu veux faire chier? Tu dois me connaître, je sais pas. Mais t'inquiète pas. J'aurai ton numéro et tu vas voir. Tu pourrais me faire un bisou? Je vais te faire un bisou, pauvre con. Va. Parce que j'aime bien qu'on m'embrasse avant de me faire baiser. C'est un gris, ce mec-là. Bon, pépère, continue, vas-y, continue. Comme ça, je vais bien choper ton numéro. Je vais à la gendarmerie. Parce que même un numéro masqué, t'inquiète pas, je vais te l'avoir. Je suis balèze. T'es balèze? Ben, t'as intérêt à être balèze. Parce que tu vois, ça va aller très mal, hein. Bordel, tu vas pas encore me baiser? Je t'emmerde, c'est fini. Tu me fais plus chier. Et moi, j'appelle tout de suite la gendarmerie, ok? Ouais. Avant que je te tombe dessus. Gardez vos distances, tête de neige, je vous laque les pans de lac. Allez, espèce de con, va te faire foutre, va. Ah bah voilà. Très bon contact. Bah en tout cas, Cartman est content et ça nous fait plaisir. Oui. Voilà, oui. Et puis moi j'attends, comme d'habitude, le petit tour à la gendarmerie. Oui, alors je suis désolé, monsieur le gendarme, mais il y a Cartman, Eric Cartman, il s'appelle comme ça, qui m'a appelé ce matin. Ouais. Et qui m'a demandé si je voulais me faire baiser. Bon, déjà le mec a pas compris le nom, Eric Chapman. Ouais, c'est Eric Chapman. Voilà, bravo, bien joué, Cartman, c'était bien. Tu m'as bien baisé sur ce coup-là. Oh, toi aussi, c'était pas mal. Ouais, bien joué. Dans un instant, il arrive, c'est DJ Roro, notre rendez-vous du vendredi. On va tester nos connaissances musicales et gagner. Surtout ce matin, votre 3. PlayStation 4 Slim, 4. La nouvelle, la 4, ouais. PlayStation 4 Slim, DJ Roro, vous l'entendez, il se prépare. Un check, microphone, check. Il check le microphone et nous, on vous offre la PS4 et FIFA et NBA. Ça va être chaud. Les tout nouveaux qui arrivent, ils sont pour vous après The Monster, je vous en parlais, c'est Eminem et Rihanna dans le morning à 8h17. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Friends with the monster, the sound of my bed. Get along with the voices. inside of my head. You're trying to save me. Stop holding your breath. And you think I'm crazy. Yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my quit, what I gave up to get was bittersweet. It was like winning a used me. I'm flying cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Cause I'm friends with the mom. Much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just I'm friends with the Call me crazy, but I had this vision. One day that I walk amongst you, a regular civilian. But until then, drums get killed, and I'm coming straight at MC's. Blood gets filled, and I'm taking back to the book and make that straw in the gold jump. I will spin Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket. Face facts, I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me. Stop holding your breath. And you think I'm crazy. Yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster. Eminem, Rihanna sur Skyrock avec The Monster et DJ Roro tout de suite. Ouais, c'est parti. Il mixe avec ses pieds. Enfin, surtout comme un pied. Voici DJ Roro sur Skyrock. DJ Roro qu'on retrouve tous les vendredis matins, c'est bien parce qu'il nous permet de tester nos connaissances musicales grâce à ses deux platines. Les deux platines qu'il transporte tout le temps avec lui. Ouais, j'ai deux platines, elles sont greffées à mes mains. Bonjour à tous, comment vous allez? Ça va bien. DJ Roro en direct sur Skyrock. Alors, ce matin, DJ Roro, tu le sais, on offre la PS4 Slim. Elle sort aujourd'hui et on la file depuis 6 heures, on enfile plein. Eh bien, il n'y a pas de problème, Johnny, il a vous offert ce matin. Oui, alors, la console a gagné. Et alors, tu nous as préparé une petite chanson, parce que tu... Voilà, c'est ça. Une petite... Il nous chante un truc tous les vendredis, c'est la question de sélection. On va prendre un garçon et une fille, un gars qui trouve la bonne réponse, une fille qui trouve la bonne réponse et qui vont s'opposer dans un instant pour gagner la PlayStation 4. Ok, Slim. Yes. Écoutez bien ce que va nous chanter ce grand DJ, car il est également chanteur, il a une voix d'or, vous allez pouvoir le constater tout de suite. Je suis artiste. Et donc tu nous as préparé un truc un peu spécial. Un petit peu spécial, attends, je peux donner l'indice? Oui, bien sûr. Une musique de jeu vidéo. Alors, quel est le jeu vidéo? Attention, très connu. Hein. J'ai cru qu'il allait donner la réponse. Ouais, je voulais le piéger. Ouais, je ne suis pas débile, je suis DJ Roro. Et oui, les DJ sont très intelligents, la preuve, hein, vous avez vu. Et hop là, je l'ai mis en l'air. Ouais. Alors, écoutez bien. Attention, et 3 et 4. Ta ta la ta la ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Alors, qu'est-ce que c'est? Hey, qu'est-ce que c'est? C'est magnifique, en tout cas, j'ai reconnu, moi, pour une fois. Ta ta la ta la ta ta ta.

Engagement 12 mois, location box 3 euros par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable jusqu'au 15 avril 2017 dans les magasins Darty, hors darty.com. Gâteau, gâteau chocolat, citron, coco. Et si vous prolongez la douceur des vacances à la rentrée? C'est facile avec Alza. Des gâteaux délicieux, de bons ingrédients et beaucoup d'amour. En plus, sur alza.fr, plein d'astuces pour des gâteaux encore plus rigolos. Demandez le gâteau château fort, Marel. Ma rentrée, c'est du gâteau avec Alza. Pour votre santé, bougez plus. 8h28 sur Skyrock, c'est vendredi, c'est la matinée spéciale. La matinée spéciale. PS4 Slim. Slim. Et Didier Roro est là ce matin. Allez, hop. Il a formé David Guetta. Ok, ouais. Enfin, c'est ce qu'il raconte, hein. Voici Didier Roro sur Skyrock. Ouais, et voici également Elodie de Versailles qui est au téléphone avec nous. Bonjour Elodie. Salut Elodie. Salut, salut l'équipe. Salut Elodie. Elodie, 28 ans à Versailles dans sa voiture, c'est ça? C'est ça, oui. C'est comment je le sais, parce que je regardais Karim et Cariole qui étaient au standard avec toi. Alors là, tu vas te garer. Là, tu fermes les vitres. Là, faut enlever le kit main libre. Là, tu parles bien dans ton téléphone. Super, Elodie. Et on a de l'autre côté Alex de Saint-Étienne. Bonjour, Alex. Salut, Dispoul. Salut, l'équipe. Salut. Ouais, salut, Alex. Je vous présente DJ Roro, les amis. Là. Enchanté, Elodie. Bonjour, DJ Roro. Salut, Alex. Alors, vous êtes fort, mais vous n'êtes pas les seuls, mais vous avez été les plus rapides. Hein. Les plus rapides à trouver. Qu'est-ce que nous sentait DJ Roro ce matin? Mais forcément, tout le monde a trouvé avec un tel talent. Et une telle voix d'or, on peut le dire, une voix d'or, il a. Ouais, j'ai The Voice d'or. The Voice. C'est toi, The Voice. Exactement, c'est moi. Attention, c'est parti. Ouais. Pa-la-pa, pa-la-pa. Alors, qu'est-ce que c'est? Elodie, Alex, qu'est-ce que c'est? Mario. Bravo! Pom, pom, pom, bien joué! Allez, tout le monde est en l'air, ouais! Bravo Elodie, bravo Alex. Vous avez donc la bonne réponse, vous êtes qualifiés pour jouer l'un contre l'autre. Faites-vous un petit bibi parce que maintenant vous allez vous battre. Bisous Elodie. Bah écoute, bisous, bonne chance. À toi, bon courage. Hein. C'est mignon. Vous êtes mignons tous les deux. Donc Elodie de Versailles contre Alex de Saint-Etienne. Allez, on fait une chenille. Non, on va pas faire une chenille. Ah, dommage. Alors, on va vous faire écouter des sons qui ont rapport avec des jeux vidéo. Oui, exactement, j'ai fait une sélection spéciale. Video games. Alors, celui-ci, c'est dans NBA 2K17, un des morceaux de NBA 2K17. Exactement, mon cher Diffoul, je l'ai calé sur ma platine. Et attention, sitôt que vous avez la réponse, vous criez très fort et c'est parti. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tricks, but it's modesty. Ah, I just need space to do. Alors, qui c'est? Alors, Alex, alors, Elodie. Si vous avez le titre, ça marche aussi. Hein. Écoutez bien, parce que là, on va avoir le refrain, il va chanter le titre bientôt, je pense, non? Ah non. Merde. Alors, une petite idée? Ah bah, tout le monde connaît, mais qu'est-ce que c'est? Un son qu'on a passé sur Skyrock. Ah oui, à fond. Je mets le refrain. Il est même venu de la radio libre. Qu'est-ce que tu as dit, Alex? 21 Pilots. Non. Non. Écoutez bien le refrain. Ah, il y a eu le titre là. Oh, vous avez eu le titre là. Je suis pas fort en anglais, désolé. Ouais, je vois ça, je vois ça. Me, Myself and I, c'était Jeezy. Ah ouais. Et ah, ouais. Dommage. Jeezy, donc. On entend très mal, c'est pour ça. Oh. Ah, Elodie. Ah, attention. Elodie est de mauvaise foi, c'est noté. Allez, un autre pour vous. Attention, c'est reparti pour un tour. Musique. Oh, bien. Bravo. Bravo Alex. Donc Alex, avec le point que t'as marqué tout à l'heure pour la question de sélection, le point que tu as aussi Elodie, ça t'en fait un deuxième Alex. On est donc à 2-1. Ça se passe en 3 manches. Attention, tout peut se décider maintenant. Elodie, faut tout donner. Hein. Ah, on est des ouf, on fait une chenille. Non, après la chenille. Ah, j'aimerais trop faire une chenille sur Tetris. Allez. Alors attention, c'est peut-être la balle de match. Ouais. Pour la peine, je mets un peu de fumée. Merci. Et attention, voici la musique. Et hop. Ouais. C'est un rappeur qui a eu son jeu vidéo, écoutez bien. Oh là là, Alex. 50 Cent. Tu as gagné, Alex, 50 Cent et In The Club. Merci les gars. Bravo, bravo. Ah, t'as vu ça, Elodie, il est fort. Hein. Ah ouais, non, mais là, bravo. Ah ouais. Bravo, bravo. Merci Elodie, bisous. Eh ben oui, tu peux. Alex, on t'envoie ta PS4 Slim. Bravo. Ah, oui. Vous déchirez l'équipe. Ah bah c'est toi qui as tout déchiré ce matin. Et les deux jeux qui vont avec, le FIFA 17 et puis le NBA 2K17. Oh, yeah. Les deux jeux qui sortent dans 15 jours et dans une semaine. C'est pour toi Alex. Et Elodie, j'ai envie de te faire des beaux cadeaux ce matin. Ah, ça c'est sympa. Alors on va t'envoyer le t-shirt Skyrock déjà. Un autographe de DJ Roro, c'est offert par moi-même. Wow. Ah, super. Un autographe de DJ Roro, ça c'est ça c'est vraiment un beau cadeau. Et puis tu choisis ou un maillot de foot, de rugby, de basket ou un jeu au choix. Tu peux prendre le FIFA si tu veux, tu peux prendre autre chose. Tu prends ce que tu veux ma chérie. Ok, super, bah ça c'est super sympa. Qu'est-ce que tu veux? Des gros bisous. Bah je vais vous prendre un jeu FIFA sur PS4. Et on t'envoie le tout nouveau FIFA qui sort dans 15 jours. FIFA 17. Et bah il est pour toi Elo. On te fait un gros bisou Elodie, bisous. Gros bisous à tous. Et Alex, tu as bien représenté Saint-Etienne. On est vraiment les meilleurs à Saint-Etienne. Qui c'est les meilleurs? Évidemment c'est les Verts. Sachamon. Sachamon, tout le monde descend. Allez, tout le monde descend, mais restez bien dans le morning. Dans un instant, 1 500 € à gagner. Ah ouais, vous vous inscrivez depuis tout à l'heure sur le 720. On a reçu plein de messages où le 720 il est bloqué tellement que vous êtes nombreux à vous inscrire. On va résoudre le problème. Vous inquiétez pas. On va expliquer tout ça et on va gérer tout ça. On fait la chenille? Non, on va faire les 1 500 €, DJ Roro. Et puis en plus après, il y a Romano qui revient parce que Romano est parti pendant quelques minutes, mais il sera de retour tout à l'heure. Hein. Ah, et ma chenille. Tu vois ça avec Romano si tu veux. Je ferai ça à Ibiza. Bah voilà, va à Ibiza. Ouais, c'est bien. Je pars ce week-end, je vais faire une chenille. Ou alors si tu veux, tu prends la place des conseils. Pas cher pour la chenille, mais je suis pas sûr que Romano soit d'accord. Ah non, DJ Roro, c'était pas possible. Allez, s'il te plaît, Romano. Ah non, c'est pas possible. Ah, bah, voilà. Bah, je suis désolé, DJ Roro. Tu reviens la semaine prochaine. Eh bien, pas aucun souci. À bientôt, DJ Roro. Ah, y a Rémi. Oui, c'est les infos. Oh mon dieu, qu'il est vilain. Non. Tu me fais rentrer dans ta boîte. Ah, désolé, j'appelle la sécurité videur. Sortez, Rémi. Bah, après les infos alors. Ouais, très bien. Qu'est-ce qu'il veut, Krilin là. DJ Roro de retour tous les vendredis. C'est bien, ça nous permet de tester nos connaissances musicales et ça nous fait des beaux matchs. Hein. Ah ouais, bien. 8h34 et sur Skyrock à 8h34, c'est l'heure des infos. Et oui, justement, Rémi qui s'y colle. Vos 1 500 € juste derrière, du Justin Timberlake, du Lil Wayne, du Wiz Khalifa sur la première radio urbaine mondiale, Skyrock, du Calvin Harris, du Rihanna et de la pluie, de la météo un peu. Oui, un petit peu, c'est vrai que la journée sera pluvieuse, même si c'est un peu clair quand même ce matin. On voit le soleil assez régulièrement. Bon, les averses vont concerner tout le pays, on aura même des orages principalement dans le sud-est. La pluie sera toujours bien présente demain samedi, excepté le long des côtes atlantiques et de la Manche. En gros, week-end pas terrible, hein, ça ira un petit peu mieux dimanche. Mais on aura encore beaucoup de pluie en Île-de-France et sur une large moitié est. Les températures ce matin comprises entre 10 et 19 degrés, 15 à Paris, de 17 à 25 cet après-midi. Et puis la pollution, ça va, on respire bien. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur l'île, Nîmes et Cannes. Et les infos tout de suite, les infos et le sport pour tout savoir. C'est maintenant, en deux minutes, on sait tout. Un campement de migrants en cours d'évacuation dans le 19e arrondissement de Paris à Stalingrad. Il avait déjà été évacué en août dernier. 700 migrants avaient été pris en charge dans des centres d'hébergement. Ils sont le double aujourd'hui et vont être évacués vers la banlieue parisienne. Un guet-apens sur le net. Une jeune femme a été violée par 5 individus âgés d'une vingtaine d'années en plein Paris au Champ de Mars. Les faits se sont déroulés en tout début de semaine. La victime avait un rendez-vous avec un homme rencontré sur Facebook qui lui a donc tendu un piège. Elle ne doit son salut qu'à un couple de Canadiens qui passaient par là et qui ont entendu des cris forcément. Les agresseurs ont pris la fuite mais la police dispose de traces ADN. François Hollande qui a fêté un anniv hier, celui du Bon Coin, il s'est rendu aux 10 ans du site. Le président n'a pas manqué de se moquer de Nicolas Sarkozy qui avait déclaré il y a quelques mois ne pas connaître le Bon Coin, le chef de l'État. C'est ça le Bon Coin. Oui, voilà, c'est ça. Le chef de l'État a remercié les fondateurs pour leur dynamisme. C'est vrai que c'est une vraie réussite à la française. Le Bon Coin emploie 400 collaborateurs et permet aussi de trouver du travail. C'est le 6e site le plus visité en France avec 26 millions d'internautes par jour. Banni une nouvelle fois les sites Porno, Pornhub et YouPorn. Ne sont désormais plus les bienvenus en internet, sur internet en Russie. La décision a été prise par la justice russe sur demande de l'agence gouvernementale de surveillance des télécommunications. Alors ce n'est pas la première fois que ça arrive puisqu'une décision similaire avait déjà été prise en 2015. Les autorités suggèrent aux internautes d'aller plutôt trouver un conjoint dans la vraie vie, une façon peut-être de faire remonter la natalité. Voilà, ça parle à Russie. Ah bah ouais. Le poids sur le sport maintenant avec le foot et les JO paralympiques aussi. Ouais, la Ligue Europa pour commencer, une soirée en demi-teinte pour les clubs français. Nice Nice s'est incliné contre Schalke 04 1-0 et puis Saint-Etienne arrache le nul, un but partout contre Mayence. Couverture ce soir de la 5e journée de Ligue 1. Caen reçoit Paris à 20h45. Les Parisiens qui ont pris l'avion jusqu'en Normandie, mais sans Ben Arfa qui a été laissé à la maison par Unai Emery. Kurzawa et Aurier, légèrement blessés, sont eux aussi absents. La Ligue 2, 7e journée ce soir. 9 matchs au programme. Sochaux-Reims, 3 Niort, Tournimes, Bourg-en-Bresse-Le Havre, Red Star Laval, Gazélec Amiens, Valenciennes, Ajaccio, Orléans, Strasbourg et Clermont-Lens. Rendez-vous à 20h. Et puis cette nouvelle médaille, rien que pour la journée d'hier, dont 2 au Nord au JO Paralympique de Rio. En tennis, la paire Stéphane Houdet, Nicolas Pfeffer s'est imposé en finale du double masculin. L'autre titre est à mettre au crédit de l'équipe d'épée masculine. La France compte désormais 23 médailles et pointe à la 17e place du classement des nations. Eh bien, allez les Bleus. Merci Rémi pour les infos. Il est 8h37 sur Skyrock. C'est l'heure des 1 500 €. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Carayol, branche ton ordinateur. Yes. Ça y est, il est branché. Oui. Ouais, branche le micro aussi. Branche le micro aussi si tu veux parler, c'est mieux. C'est faut faire deux choses à la fois, c'est dur. C'est vrai. Oui, ça. Je ne sais pas tout faire. Ah bah non, ça. Alors, Carayol, tu vas lancer l'ordinateur, tu vas faire tourner ta souris, tu vas t'arrêter sur un des numéros qu'on nous a laissé depuis hier matin. Attention, attention. Allez, fais tourner. Fais tourner, fais tourner. Allez, fais, et fais tourner, fais tourner. C'est pour les 1 500 €. On fait un tirage un peu spécial pour terminer cette semaine, pour un beau vendredi. Déjà, notre matinée PS4 Slim s'est déroulée à merveille. Bah, c'est pas fini, hein. C'est pas fini en plus. Et puis, donc, on a décidé, parce que c'est la fin de la semaine, d'en profiter, d'en faire profiter ceux et celles qui sont inscrits depuis hier matin. Alors, attention. Tu vas tout nous dire, Carayol. C'est l'heure des 1 500 €. Et puis, Romano, les conseils pas chers aujourd'hui. On va parler de la folie. Enfin, c'est plus la folie du tout. La mi-folie, on va dire. Ouais, d'accord. On en parlait ce matin avec Rémi dans les infos. Pokémon Go, ça a été la folie cet été, déjà en août. Il y avait combien de 15 millions d'utilisateurs en moins? 12 millions au mois d'août en moins. On était parti de 45 millions. Oui. Et on a baissé de 12 millions. Et à mon avis, en septembre, on attend les chiffres d'ailleurs. Bon, tiens. En tout cas, il y a de l'argent à se faire avec ça. Ouais, et Romano, tu as décidé donc de relancer Pokémon Go et de te faire de l'argent avec. Mais avant ça, de l'argent, on en parle et on vous en offre sur Skyrock. Il suffit de répondre Skyrock pour gagner 1 500 €. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Alors, Carayol, ça s'est arrêté où? Ça y est, ça s'est arrêté à Belfort. Donc Belfort. On va à Belfort dans le 90. Amis de Belfort, on vous salue. Et c'est Sandra Davega. C'est écoute Skyrock à fond à Belfort. Eh bien, on va voir chez Sandra. Sandra Davega. Les tirages au sort se font sur le 720 et également, si vous n'avez pas envie de vous inscrire, vous avez le droit, direct sur l'annuaire, hein, facile. Ouais. Allô. Allô, allô. Oui. Sandra Davega. Bonjour. Oui, bonjour. Don Diego de la Vega, c'est toi? Ouais. Tu es la femme de Zorro. Waouh. Waouh. Bonjour Sandra. Oui, bonjour. Bonjour, on est en direct à la radio, Sandra, et on t'appelle pour t'offrir 1 500 €. Si on te demande quelle est ta radio préférée, Sandra, tu réponds quoi? Skyrock. Eh ben, t'as gagné. Eh ben, bravo, bien joué. C'est beau, Sandra. T'as gagné 1 500 € en direct à Belfort. Bien joué. Mais oui, c'est vrai, Sandra. C'est une blague. Mais non, c'est pas une blague. Tu t'es inscrite à quelle heure, Sandra? À 7h30, 8h. Eh bien, tu as bien fait de t'inscrire à 8h. J'aime bien l'accent de Belfort. Moi aussi. C'est un mix entre l'accent alsacien et l'accent du Jura. C'est mignon. Bon, bah, bravo, Sandra. Présente-toi un petit peu à la France entière qui se réveille avec nous, qui t'écoute, qui va bosser. Ouais, bah, je m'appelle Sandra, là je suis au travail, ouais. Et puis j'étais en train de me séparer de mon copain et je dois tout racheter en meuble, donc... Et ben voilà, s'il nous écoute, t'aurais dû rester avec elle, elle est riche. Ouais, 1 500 €. Elle a gagné 1 500 €. Bah super Sandra, c'est mignon tout ça. Ouais, t'es sur le marché, va sur Yax. T'es sur le marché, va sur Yax. Écoute-moi, bah, l'autre pervers qui cherche une meuf sur Yax depuis 6 mois. Mais non, mais bon. C'est le seul mec sur Yax qui a pas réussi à pécho, c'est quand même un truc de fou. Hein. Yax, c'est l'appli pour choper. Bon, bah, en tout cas Sandra. Il y a Smax même, c'est même mieux Smax. Pour les... Oui, pourquoi je dis. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, parce que c'est Rémi, il dit conneries. Ah ouais, tu m'as dit en erreur. Mais sur Yax aussi, tu peux pécho. Hein. Smax, bah la preuve, Smax. Tu n'as pas pécho. Va sur Smax, tu vas voir. Bon, Sandra, on va remeubler la maison, on va faire tout ça. Et puis ouais, on va t'envoyer ton chèque. Tu fais quoi dans la vie? Bah, je travaille à la Sécu. D'accord. Et eh ben, on salue tous ceux qui travaillent à la Sécu, bien utile. Ouais. Cédric, il la suce, la Sécu, ces temps-ci avec sa clavicule. Voilà, j'ai la clavicule en vrac. Bisous, Sandra. Ne quitte pas, on prend tes coordonnées. Oui, et puis on t'envoie ton chèque très très vite dans la semaine qui vient. Tu reçois ton chèque à la maison, à Belfort. Bisous, Sandra. Bisous. Ciao, Sandra. Ciao. Et attention, dans un instant, encore de l'argent, mais de l'argent à gagner. Mais ça, c'est pour Romano. Les conseils pas chers. Ouais. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Yeah. got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Pikachu, qu'est-ce qu'il vient faire Pikachu là ce matin avec nous? Il vient pour mes conseils pas chers. Ah, tu as invité Pikachu pour le morning. Attends, j'ai amené un guest. Mais quel morning exceptionnel ce matin. Pika. Oui, Pika, il est toujours aussi con. Hein. Oui, ça va. Il est gentil, mais il n'a pas inventé la poutine. Il n'a pas inventé la poutine. Alors, Pikachu est avec nous. Pikachu. Et pourquoi donc, Romano, explique-nous tout. Comment gagner des sous grâce à Pokémon Go? Eh bien, c'est facile. Ici, vous avez un magasin. Il y a des marques qui utilisent les Pokémon pour attirer du monde dans leur boutique en accueillant dans la boutique des Pokémon. Par exemple, il y a une pizza new-yorkaise qui a installé des Pokémon, qui a eu un deal avec Pokémon en payant, de toute façon. Oui. Et augmenté le chiffre d'affaires de 75% en une journée. Faut lancer ça en France, moi je te dis ça tout de suite. Hein. Ouais. Vraiment, faut lancer ça en France. Tu mets des Pikachu dans les boutiques et les gens y viennent. Bah, il y a déjà des marques qui le font. Il y a McDo, But et Monoprix. Ah, ils ont mis des Pikachu dans leur boîte? Ouais, des Pokémon. Donc ce matin, j'appelle des boutiques. Oui. Et je vais leur proposer, je travaille pour la Pokémon Company. Waouh! Et je vais proposer d'installer des Pokémon. C'est 50 euros le Pokémon. Eh ben, c'est parti. Allez, conseils pas chers. Tu cherches ton portefeuille? Regarde dans les poches de Romano. Les conseils pas chers sur Skyrock. Eh oui, vos conseils pas chers, comme tous les matins. Petit test en direct. Est-ce que les Français et les boutiques de France vont profiter de cette opportunité Pokémon Go? Ouais, allez, c'est parti. C'est parti. Mon kiki. Bon, j'ai tout en stock. Hein. Pikachu, Bulbizarre, Salamèche. T'as Ronflex? Ronflex, je l'ai. J'adore Ronflex, moi. J'ai Carapute. Allô? Oui, bonjour, c'est la boucherie? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince de Pokémon Company à l'appareil. Oui, et c'est à quel sujet? Eh ben, je voulais installer des Pokémon dans votre boucherie. Ben non. Ben ça va attirer du monde, hein? Oui, mais c'est très bien, mais je veux pas. Vous voulez pas que j'installe Carapute dans votre vitrine? Carapute, il est super. Non, non, merci. Allez, ou Tortank. Tortank, non. Super Pokémon, Tortank. Ou Non, non, merci, monsieur. Allez, Bulbizarre, Soporifix à la mèche. Soporifix à la mèche. Ah, lui, il en veut pas, il a tort. Ça va les couilles, ouais. Ouais, parce qu'on va proposer ça à un de ses... À de ses concurrents, bah, c'est pas grave. Ça va lui bousiller sa clientèle. Ah bah, il s'en mordra les doigts. Ouais, t'imagines, t'as une boutique, t'as des mecs avec leur téléphone qui arrivent. Bah ouais, ouais, mais a priori, ça marche, ça attire du monde. Ouais, ouais, je vais chercher Ronflex. Alors, on en fait une autre. Une boucherie encore. Allez, une boucherie. Dans 83. Voilà, on appelle les concurrents, je vous l'avais dit. Le mec va s'en mordre les doigts, Romano. Je sais bien, mais tant pis pour lui. La Pokémon Company est sur Skyrock ce matin. Waouh. Kachou. Pico, pico. Ouais, pico, pico. Si tu veux. Madou, bonjour. Oui, bonjour, c'est la boucherie. Ah non, monsieur. Tabac. C'est l'erreur. Ah, c'est le tabac. Bien. C'est le tabac. Mais c'est une boucherie ou un tabac ou une boucherie pas, le... tabac. Allô, tabac. Allô. Allô, le tabac. Oui. Oui, bonjour, comment allez-vous? Bien. Bien, bon, dites voir, monsieur Lapin, c'est l'appareil, Pokémon Company. Oui. Oui, je voulais installer des Pokémon dans votre boutique, comme ça les gens viennent dans la boutique chercher les Pokémon et... Pico, pico. Et ils achètent quelque chose. Pika. J'ai pas compris, je vous entends mal, en fait. Hein. Attendez, je suis avec Pikachu. il est tout con, hein, il est complètement abruti. Je voulais installer des Pokémon dans votre bureau de tabac. Ouais. Comme ça les gens viennent les chercher, et à l'occasion ils achètent un truc chez vous, ça vous ramène du monde, hein. Mais c'est quoi ces Pokémon? Ben vous savez, dans le jeu Pokémon Go. Oui. Non, mais vous les voyez pas, hein, c'est virtuel, hein, c'est dans la boutique virtuellement. Hein. Ah. Et c'est 50€ le Pokémon, ça vaut le coup. Hein. Ah bah non, s'il faut payer, non merci, ça va aller. Vous voulez pas que j'installe Carapute? Non, non, ça va aller. Carapute a beaucoup de succès. Hein. Non, non, ça va aller. Alors. Parce que Carapute, en plus dans un tabac, va s'occuper des pipes et tout ça. C'est ah ouais, vraiment... c'est nickel. Pikachu. Non, non. Ça va aller, merci. Bulbizarre. Carabaf. Non, pas de souci, au revoir. Allez, laissez-vous aller, monsieur. Oh là là. Ah, merde. Ben, les gens, ils connaissent pas. Pourtant, bon, c'est commence à être la fin, mais ils connaissent pas. Oui, bah écoute. Lui, alors, lui, il découvrait Pokémon. Pokémon. Pokémon. C'est Pokémon. Pokémon. Ben oui, Pokémon. T'as pas un dernier, Gary? Allez, tiens. Allez, un tout dernier. Allô. Et dans un instant, on prépare la compile du jour. Une compile spéciale aujourd'hui, tous les matins. La compile juste avant 9h. Et on va faire la compile des galériens sur les jeux vidéo. Eh ben ouais, on vous a offert toute la matinée votre PS4 Slim. Bonjour, oui, la boulangerie. Bonjour, c'est la boulangerie. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapin, c'est l'appareil de la Pokémon Company. Pico, pico. Oui. Je vous appelle ce matin avec Pikachu, il va vous dire bonjour. Pika. Bon, il fait des bruits, il est complètement con. Bon. Vous connaissez Pokémon? Oui. Oui, et on voulait installer des Pokémon dans la boulangerie pour attirer du monde. Et je voulais vous proposer, j'ai Carapute en stock. 50€, je le mets dans la boutique. Reptincelle. Hein, et Ronflex. Ça non, c'est gentil, le patron n'est pas là, je ne veux pas prendre la responsabilité. Bah attendez, je viens le poser ce matin. Oui, mais le patron n'est pas là, monsieur. Bah hey, je le mets entre deux miches, je mets Carapute, il sera content. Hein. Bonne journée, monsieur. Bah, les gens viendront le chercher. Bah oui. Oui, mais non, le patron n'est pas là. Carabaf, revoir, pour les clients cons, bam, une baffe dans sa gueule. Ah. Ah, les gens, ils veulent pas, ils veulent pas. Ouais, ouais, bah, c'est ce qu'on disait ce matin. Hein. La folie Pokémon. Il a rigolé, ce débile. Bah, il est content, c'est Pikachu. La folie Pokémon tire à sa fin. Ouais, ça s'essouffle. Ouais, ouais, ça s'essouffle, ça s'essouffle. C'est le début de la fin. Rémi nous le disait dans les infos. Pokémon Go. En tout cas, moi, j'aurai une boutique, je ferai ça. Bah, ouais. Moi aussi, ouais. Ah, juste pour tester. Bon, après, t'as des gens qui viennent pas du tout pour acheter, pour te casser les couilles, mais bon, moi, c'est rigolo. Tiens, il y a RNO33. On habite dans les vignobles bordelais. On est envahis par les chasseurs de Pokémon qui viennent de toute la France chercher des salamèches. Mais oui, les salamèches. C'est horrible. Les salamèches sont alcooliques, sont dans les vignes. Salut RNO33. Bon, allez, vous avez déjà galéré sur un jeu, vous avez déjà cassé votre télé à cause d'un jeu, vous avez jeté votre manette. Ah non, c'est trop cher. Gros. Bah oui, ouais, mais pareil. Il ouais. Y en a non. Qui se retiennent pas. Je me tiens les nerfs. Les galériens sur les consoles, c'est notre compile du jour. Tous les matins, la compile, c'est nouveau, c'est dans le morning. Et puis dans un instant, l'horoscope de l'amour, dans une minute même, il arrive, il est 8h50. Sephora. Vous rêvez d'un teint sans défaut comme au cinéma? Makeup Forever a créé la gamme Ultra HD. Fond de teint, anti-cerne et maintenant un stick pour une couvrance encore plus invisible. Une gamme pro, des plateaux de tournage à votre salle de bain. Et en ce moment, dès l'achat de deux produits Makeup Forever, un mini rouge à lèvres artiste rouge vous est offert chez Sephora. Jusqu'au 30 septembre dans la limite des stocks disponibles. Makeup Forever, en exclusivité chez Sephora et Makeup Forever. Sephora, au cœur de la beauté.

Suck of a Pain, Lil Wayne, le grand Lil Wayne et le très très grand, aussi très très grand Wiz Khalifa. Sur ce morceau, c'est encore une découverte Skyrock à 8h56. On va lancer le top pour la roulette. Si vous voulez vous inscrire, vous envoyez au 72020 le mot roulette. C'est tout simple et vous allez voir Soprano. Soprano ouais. En tournée dans toute la France avec Skyrock. Encore une tournée Skyrock et encore des places à gagner. En plus, vous choisissez vos dates, vous gagnez vos places. Dans un instant, on fait tourner. Allez, dans 5-10 minutes. Ouais. Le temps de vous inscrire. Roulette au 72020. Et c'est pour vous. Et à 8h56, c'est l'heure de la compile du jour. La compile du morning de Default sur Skyrock. La compile du morning avec la compile des galériens à cause des jeux vidéo. Merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés. Vous êtes plein à avoir galéré. Un nombre de télé cassées. Les messages de Chris77 qui a déjà pété une télé et mon fils a fait la même chose. Ah bah, et c'est bien le tien. Hein. Ouais, après, ouais. C'est bien le tien. Je me demande s'il y a pas pire. Il y a Romain903. Mon pote Dory dit Burke. Alors, son pote Dory, son surnom c'est Burke, c'est mignon. Oui. Il a mordu sa mallette de PS4 jusqu'à la casser car il a perdu à GTA en ligne. Voilà. Il avait faim, elle avait un petit creux. Oh, regardez le message, rien à voir avec ça. On voulait faire un bisou à Nono, elle nous écoute sur son lit d'hôpital où elle est sur le point d'accoucher. Nono de Cannes, on te fait un gros bisou. Beau bébé, Nono, bon courage. Bon Nono. Courage. Pousse, on écoute au Skyrock. Pousse. Allez, vas-y. Oh. Voilà, il y a 2 ans, j'ai éclaté ma télé on a eu plein de messages comme ça. En lançant la manette parce que j'ai perdu 1-0 à FIFA en D1, ce qui m'a relégué en D2. Ah bah je te comprends Steven. Tu l'as lu Mauvais Mélange aussi? Non, vas-y. Mauvais Mélange, avoir 20 tirs cadrés, se prendre un but à la 90e, la manette cassée. Eh bah ouais, j'ai trouvé pire que vous. Pire ouais. Que vous, les galériens à cause des jeux vidéo. Voici la compile. Numéro 3. On va aller en Chine, où un jeune homme de 19 ans a été hospitalisé après avoir joué à la console. Ouais. Parce qu'il a joué 6 jours. Ah ouais. 6 jours de suite, sans se soucier de son hygiène corporelle. Donc, il a fallu changer ses couches parce qu'il avait mis des couches. Ah bah oui, forcément. Et le mec ne voulait pas changer ses couches parce que ça le déconcentrait. Donc, non, je ne veux pas attendre. Il faisait, donc il s'est retrouvé avec des boutons, des espèces de machins ignobles sur le cul. Et du caca au cul. Et également à cause de ses pieds infectés, parce que les pieds commençaient à pourrir dans ses chaussures. Ah merde. La prochaine fois, fais-le son chaussure et son couche. Voilà, c'est mieux, ouais. Donc, lui, petite galère. Même une grosse galère. Hein. Numéro 2. Numéro 2, et ben ça se passe chez nous, en France, une Française. Ouais. On avait Marc, son mec, joue constamment à la PlayStation. Elle se sentait délaissée. Oui. Oh. Et bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué son mari. Non. Non, elle lui a tout simplement foutu un coup de PlayStation sur la gueule. Ah ouais, quand même, ça fait mal. Elle a cassé. Donc, commotion cérébrale, PlayStation cassée. Ah ouais, quand même. Le drame. C'était notre Française numéro 2, mais on a trouvé pire. Numéro 1. Numéro 1, un Américain. Qui lui a été conduit aux urgences car il a eu un petit problème avec sa manette. Il l'a mangé? Non. Un problème avec sa manette, je sais pas, il l'a pris dans la gueule? Non, dans le cul. Il l'a pensé, ouais, voilà. Oui, alors, il a été conduit aux urgences, bon, je sais pas pourquoi, mais à un moment il s'est dit j'adore tellement la console que je vais me la mettre dans le cul. Voilà. Donc il s'est mis la manette dans le cul. Bon, la manette est restée coincée dans les fesses. Tu vas me dire, c'est pas ergonomique. À rentrer, ça doit pas être simple, mais à sortir, ça doit pas être facile non plus. Hein. Ah ouais, n'empêche que le mec avait le trou du cul élastique parce qu'il s'est malaise. Bah non, bah t'as vu l'engin. Ah bah, carriole. Toi, t'y arrives peut-être, mais c'est pas donné à tout le monde. Ouais, bah exactement. Donc voilà, je pense que c'est le meilleur des galériens du jour. Ouais, il est bien lui. Ah ouais. Voilà, c'était notre compil du il jour. Il a pas dû passer pour un con en arrivant à l'hosto. Oui. Oh, il a dû dire qu'il s'était assis dessus. Hein. Ah oui, je me suis assis dessus, c'est incroyable, elle est rentrée toute seule. Ah, tu sais, le coup classique. Bon, il est 8h59, pratiquement 9h. Tiens, dans 10 secondes, 9h. Inscription roulette au 72020 et Soprano a gagné. Et le zap du morning, ce grand morning spécial PS4 sur Sky. Oui. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le La Viva de Candia peut y contribuer? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Grand volume intérieur, détecteur de fatigue, GPS. Oh, j'adore. Et totalement connecté. Je crois que je vais vous la prendre. Ah ouais, en revanche, ça va pas être possible. Et pourquoi ça ? Parce que je l'ai vu le premier, en fait. Non mais c'est... Là, c'est vous le vendeur, là. Oh, ça va. Difficile de résister. En septembre, la Polo All-Star suréquipée est à 140€ par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 1 606€. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur volkswagen.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation et réseaux participants.

Le morning et une belle matinée. J'étais en train de regarder tout ce qu'on a offert ce matin. C'est un truc de fou quand même, hein. Des 1500 euros qui sont tombés à Rennes, à Belfort. Des consoles, la nouvelle PS4. En attendant la grosse PS4 qui sortira le 10 novembre, la PS4 Pro. On vous a offert la PS4 Slim, elle sort aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, on vous en prend une pour ce soir. Tiens, ce soir, soyez là entre 21h et minuit. La radio libre en direct, à ne pas louper. Et votre PS4 Slim à choper. Bon, plein de gagnants, plein de choses. Et une roulette qui va tourner maintenant. On a Nelson avec nous en direct du 78. Bonjour Nelson. Nelson. On va le mettre à l'antenne comme tous les matins. Allô. Hop là, voilà. C'est bonjour Nelson. Bonjour. Ça y est. Salut. Tu étais coincé dans les tuyaux du standard. Mais ça y est, on t'a débloqué. Vous êtes plein, vous êtes inscrit. C'est toi qui as été tiré au sort, Nelson. T'es où? T'es dans le 78? À quel endroit? Ouais. Je suis à La Verrière, à côté de Trappes. Très bien, La Verrière, à côté des Trappistes. Eh bien, Nelson, la roulette est là, oui. Ouais, elle est prête. Allez. Elle est prête. Elle est prête. On l'a fait tourner et tu vas gagner Soprano. Skyrock t'offre 200 places de concert Soprano. Soprano a gagné dans le morning et pour toi et toute la journée avec toute l'équipe de Sky. Jusqu'à ce soir, on vous offre vos places pour Soprano. Oui. Ouais, je peux y aller alors. Quand tu le sens, Nelson. Stop. Bien. Tu fais quoi dans la vie, Nelson? Moi, je suis convoyeur dans une carrosserie, en fait. Je fais les services à domicile. Très bien. Eh bien, à domicile, on va t'envoyer les places pour Sopra. Et puis après, toi, tu iras le voir où tu veux. Si t'es en région parisienne, tu peux aller le voir à Bercy. Hein. D'accord, pas de problème. T'as deux places, hein? Bah oui, quand même. Ah bah, tu vas pas y aller tout seul. Je vais emmener ma femme. Elle va être contente, ta chérie. La grosse soirée à ne pas louper, c'est ton concert de Soprano. Des places pour ces concerts dans toute la France à gagner, évidemment, sur Skyrock. Hein. Ouais. Bon, c'est fait pour toi. T'as bien démarré la journée, Nelson. Merci de te réveiller avec Sky. Ouais, merci beaucoup. Salut, bien Nelson. Joué. Ciao. Et qu'on voit bien. Hein. Merci beaucoup. Salut Nelson. Bon, ciao. Et restez bien sur Skyrock. Je vous le disais, ça tournera avec Fred tout à l'heure avant midi. Il est 9h08. Oh, déjà la fin du morning, le dernier morning de la semaine. Heureusement, il y a la radio libre ce soir. Et puis demain, rattrapage avec Vincent avec le morning best entre 6h et 9h. C'est tous les samedis et c'est à pas louper sur Skyrock. Mais avant ça, attention, c'est pas fini. Le zap. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Dis donc, j'ai un colis à te livrer ce matin là. Et alors? Ouais, bah il faudrait que je te l'amène, t'es chez toi là? Ouais. Ouais, bon bah j'arrive, je te livre la PlayStation 4 Slim. Et ok, merci. Et il y a 400 euros à payer, merci aussi hein. Bah merci à toi surtout, non mais ça c'est... Non bah vraiment, c'est gentil. Jean-Pierre, prépare-moi un café pour 7h, j'ai pas le temps de prendre le mien. D'accord. Bah c'est gentil, et les 400 balles en liquide hein. Ah j'en ai pas. Bah on ira à la banque, je t'emmènerai. Non merci, c'est trop gentil toi. Ah bah de rien, bah. Moi je suis rendu service hein, quand il faut hein. Alors pour moi, je dis Cariole, Mytho et Romano Info. Eh bah tu sais que j'aurais dit exactement la même chose que toi. Eh bah t'as bien raison, parce que c'est gagné. Bravo. Ouais, ouais, merci l'équipe. Pour toi, ce matin, la PlayStation qui sort aujourd'hui, la PlayStation 4, PS4 Slim pour toi. Bravo, aïe, Souka, aïe. Plus le jeu FIFA, le nouveau, plus le NBA 2K17. T'as la totale, mon Souka. Et ce matin, Cartman va réveiller la famille de Stéphane. Faites réveiller par South Park, ça doit être bizarre, hein. Ouais. Attendez, vous êtes qui? Eric Cartman. Eric Chapman. Cartman. Oui, et vous voulez quoi? Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Et vous, ça vous dirait d'aller vous faire mettre? Mais va te faire mettre toi-même, espèce de con, va. Tu pourrais me faire un bisou? Je vais te faire un bisou, pauvre con, va. Parce que j'aime bien qu'on m'embrasse avant de me faire baiser. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous appelais pour le jeu NBA 2K16. Il a 20 euros. 20 euros, bah vu qu'il y a le nouveau qui est sorti là, qui va sortir là, NBA 2K17. Mmh. Celui-là, je le prends à 2 euros. Vous le prendrez à quelqu'un. Voilà. 2 euros et une pipe. Oh non. 3 euros et un doigt dans le cul. Oh. Alex, on t'envoie ta PS4 Slim. Bravo. Ah, super, vous déchirez l'équipe. Ah bah c'est toi qui as tout déchiré ce matin. Et les deux jeux qui vont avec, le FIFA 2000. FIFA 17. Et puis le NBA 2K17. Oh yeah. Les deux jeux qui sortent. C'est parfait. Pauline, on est en direct à la radio ce matin. On vous a tiré au sort les lorets pour vous offrir 1500 euros. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et on a une question à te poser ce matin. On va te demander quelle est ta radio préférée. Skyrock. Et tu viens de gagner, Pauline, comme ça, 1500 euros, Pauline. Bah ouais, Pauline. Wow. Merci beaucoup. Si on te demande quelle est ta radio préférée, Sandra, tu réponds quoi? Skyrock. Eh ben t'as gagné. Eh ben bravo, c'est Sandra. Joué. C'est beau, Sandra. T'as gagné 1500 euros en direct à Belfort. C'est vrai. Et tout ça, ça s'est passé ce matin. Et on n'a pas pu tout mettre en plus. Hein. Eh ouais. Bravo à vous tous, bravo à vous toutes. Merci de vous réveiller avec Skyrock tous les matins. Attention, attention. Fredo fait son entrée maintenant à 9h10. Vladadam. Vladadam. Bonjour Fredo. Ça va? Et toi bien? Ouais. Ah, ok, mais qu'est-ce ça s'entend. Ça s'entend, ça va mieux. Qu'est-ce qui t'arrive à ta si belle voix hein? Ah, je crois qu'ici la clim a mature. Hein. Ah, toi aussi. Je crois que la clim de Skyrock était. Je m'adresse aux amis de la technique et à notre directeur technique bien aimé. Oui. Je crois qu'elle a été installée par des concurrents de Skyrock. Ah, je pense, ouais. Je pense que c'est RTL ou je sais pas. Ah là, ouais, ils nous ont bien tués là. Un truc comme ça qui nous a installé la clim. Hein, parce que tout le monde est malade, tout le monde a chopé la crève. C'est vrai. Et puis en plus, on se le refile pas du tout, c'est ça qui est bien. Bah, parce qu'on s'aime tellement fort qu'on fait des bisous tout le temps. On se le refile multiplié, quoi. Bon, Fredo, reste avec nous. Oui, oui, bah oui, je suis là quand même. Garde la forme, garde la pêche. Ce soir, on te retrouve en plus à 20h. Et il faudra être là ce soir. Avec le Watibé, toute l'équipe du Watibé, ça sort aujourd'hui la bande-son du film La Pièce, puisque c'est un film qui arrivera, mais là au mois d'octobre. Ouais. Il y a déjà le son qui est dispo à partir d'aujourd'hui et toujours à découvrir ce soir. Et puis n'oubliez pas, un autre rendez-vous, c'est à minuit, juste après la radio libre. 100% rap français avec du PNL, parce que là aussi, c'est un autre événement aujourd'hui. Sortie de l'album de PNL, mais PNL, il faut pas d'interview, il faut pas de promo et tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur rendre hommage et on mettra que des sons de PNL juste après vous, ce soir. Donc en gros, vous avez pigé, hein, ça c'est PNL derrière. C'est bien PNL, hein. Ce sera, et l'album est vraiment très très fort. Et ben, faudra être dans la nocturne tout à l'heure, à minuit, à 20h, Planète Rap. Et entre les deux, nous on est coincé entre deux Fredo. C'est fou, hein. Ouais. C'est la pratique du sandwich. Exactement. La technique du sandwich. La radio libre entre 21h et minuit, en direct ce soir. On vous retrouve et on vous filera vos PS4 Slim. Il y en a encore. Ouais, il y en a encore avec les jeux qui vont avec ce soir à gagner entre 21h et minuit. Passez une belle journée, on vous laisse vite avec Fred. Profitez bien de Skyrock avec toute l'équipe. Et rendez-vous ce soir, 21h. Et puis évidemment, lundi pour le morning. Ouais. Ciao, à lundi. Ciao. Et à toutes. Salut Fredo. Salut. Salut. À toutes. C'est parti pour le saut. Bisous à toi aussi, Diffoul. Oui. C'est fou, on s'aime tellement. Ah, vous avez vu, il va me refiler ses microbes. Tellement d'amour sur Skyrock. Ouais. Ciao. Salut Fred. C'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée, bienvenue à vous tous. Rap, R&B non-stop, la roulette qui va tourner aussi. Même si des places à l'instant sont tombées pour aller voir Soprano, il y en aura d'autres encore à choper. Ce sera avant midi sur Skyrock. Et le son de DJ Snake, ça c'est un des gros cartons de cet été. L'album est sorti cet été, l'album encore de DJ Snake. Voici le morceau avec Justin Bieber. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Give up.